89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis, eh bien, Sébastien F. Guertin sera avec moi pour nous présenter son bulletin Guertin, bien évidemment. Alors, il va nous parler aujourd'hui de Gabriel Nadeau-Dubois, si je ne m'abuse. Il est déjà arrivé, il est en train de se préparer. Vous pouvez peut-être aussi l'entendre un petit peu. On va lui laisser quelques secondes. Et aussi, une chronique surprise. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Il va aussi avoir Xavier Meclich qui va nous parler aussi un petit peu plus tard de la huître. Et lui aussi faire une deuxième chronique. Donc, c'est comme la journée nationale où les gars vont m'aider à co-animer ce matin. Je pense que... Je peux dire que je suis assez contente. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis parce qu'on est le 22 mars. Il reste seulement 36 jours avant la fin de l'année scolaire. Il n'en reste pas beaucoup. Tenez bon. Ça veut dire que dans pas long, vous allez rentrer dans les examens, vous allez rentrer dans les grosses études de fin de session. Et nous, on est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières. Mon nom est Tania Baudin. Et comme je le disais tout à l'heure, eh bien, il y a Sébastien F. Guertin avec moi en studio. Bon matin, Seb. Bon matin. Ça va bien? Ben oui, toi. Ben oui. Écoute, c'est le printemps depuis hier. Ouais, hein? Puis, c'est ça. Il y a comme... On dirait que le mot a pas suivi, ouais, c'est ça. Non, en effet, ce matin, je suis arrivée à la station pour ceux qui se demandent pourquoi on commence à être 33, en fait. C'est parce que je suis arrivée à la station ce matin et il y a rien qui fonctionnait. Tout était éteint. Il y avait plus aucune musique. Donc, j'imagine qu'il y a eu une panne de courant durant la nuit. Puis, je me suis levée ce matin et il y avait tellement de neige sur mon auto. J'étais là, oh mon Dieu, c'est pas le printemps, ça. C'est pas le printemps. J'étais un peu triste. Ben, écoute, mon retard, c'est à cause que j'arrive. Moi, j'ai pas ma vignette pour venir ici. Tu sais, à peu près le seul moment que je viens à l'université en auto, c'est quand je viens faire ma chronique. C'est vrai. Fait que c'est ça. Fait qu'arrive pour me mettre de l'argent dans le rodateur, vu que je reste plus longtemps qu'une demi-heure, comme ce que je fais d'habitude, je me mets dans le lit. En tout cas. Bref, on le dira pas. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Pour une fois que j'arrive pour payer ma vignette, puis ouais, gardien de sécurité en train de réparer le rodateur. Oh, fait que d'où mon retard. Je suis désolé. Il fallait que j'aille virer à l'autre bout. Il n'y a aucun problème. Tu vois, moi, j'étais déjà en train d'essayer de tout rétablir même en studio. Ça s'est quand même bien passé. Dis-moi, on va avoir ta chronique, Sébastien, le bulletin Guertin. Ouais. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Bulletin Guertin, comme tu as dit, j'ai décidé. D'habitude, j'essaie d'être assez d'y aller dans quelque chose qui est sorti à dernière minute, là, que j'ai pas eu le temps de couvrir là, à mon émission de lundi. Par contre, c'est ça, cette semaine, en fait, j'ai décidé de faire un changement un peu parce que une des grosses nouvelles de la semaine, c'est Éric Duhaime qui fait son coming out officiel. Ben ouais. Moi, je trouve que c'est une non-nouvelle. Ouais, c'est ça. Tant mieux. Il y a 10% d'homosexuels dans la société en général. Ben, c'est vrai aussi pour les réactionnaires de droite. Fait que, bon. c'est dit. Il y en a là aussi. C'est ça. Fait que moi, je trouve que c'est un peu une non-nouvelle. Tant mieux. Qu'ils se sentent à l'aise d'en parler. Puis pour le reste, on va le laisser vendre son livre. T'es-tu prêt à nous commencer ton bulletin Guertin, maintenant? Je suis pas mal prêt, je pense. OK. Je pense qu'on va partir ça. Ouais, là. Alors, à part Éric Duhaime, nous parlais-tu ce matin? L'autre chose de laquelle, en fait, je ne parlerai pas, c'est de la fameuse lettre là, qu'il y a eu dans le McLean, de l'espèce d'éditorial là, de Québec bashing. J'ai vu ça. Ce que moi, il circulait, c'est que le monsieur qui a écrit ça, c'est Andrew Potter, s'est rétracté, en fait. Il a dit que, voulait parler de certaines choses, puis là, il a essayé de faire un texte un peu plus flashy que ce qu'il a l'habitude de faire, puis ça a mal fini, puis il a fini par faire des trucs qui n'étaient pas vraiment son habitude. Ouais. Faire des trucs un peu douteux là-dedans. Donc, c'est ça, il s'est rétracté. Il y a Patrick Lagacé, entre autres, qui fait une chronique dans Presse là-dessus, qu'en fait, j'aurais juste lu sa chronique, ça aurait fait pareil. Ah, donc, pourquoi j'en parlerai pas? Je vais parler de Gabriel Nadeau-Dubois à place. OK. C'était la grosse nouvelle de la semaine dernière. Il a fait le saut en politique, ben mais oui. Bon. comme on s'y attend, ça a fait couler beaucoup d'encre. C'est ça. Gabriel Nadeau-Dubois est une personne qui polarise dans la vie, on va dire ça de même. Oui, assez, assez. C'est ça. Fait que pourquoi je voulais en parler, en fait, c'est que depuis 2012, en fait, on parle de Gabriel Nadeau-Dubois. Bon, certaines personnes vont le considérer comme un radical dangereux, un marxiste-léniniste qui veut tout envoyer tout le monde au goulag, qui vote pas pour QS. Fait que je me suis dit, qu'en est-il vraiment? Okay. Parce que moi, j'ai une toute autre... j'en parle une fois de temps à autre. Moi, en 2012, j'étais déjà là, puis j'étais impliqué pas mal dans ce mouvement-là. On s'entend qu'à l'UQTR, on n'était pas exactement avec l'AC. Là. Non, je veux dire, on n'a jamais défendu vraiment la gratuité scolaire par ici. Puis justement, je voulais rétablir certains faits, parce que moi, il m'a agacé beaucoup, en fait, en 2012. Mais en fait, tout ce qui se passait à Montréal m'agaçait beaucoup en tant que le mouvement en région, c'est pas pareil, puis... C'était les pleins feux sur Montréal. Ouais, c'est vrai. Nous autres, en région, on avait une autre approche, puis on n'en parlait pas vraiment. On rencontrait les députés, puis à toutes les fois qu'on parlait devant les médias avec les députés, ça parlait à la place de telle vitrine s'est faite fracasser à Montréal en même temps. Fait que, c'était élevé à Montréal. C'est ça, quand même. Comme je disais, depuis qu'il a fait son annonce, il y a les Lise Ravary, qui n'a d'ailleurs pas été aussi virulente qu'on aurait pu le penser. Denise Bombardier, la clique de Radio X, comme d'habitude, qui en ont parlé toute la semaine. Évidemment, la première affaire qu'il disait, c'est pourquoi est-ce qu'on en parle autant que ça? Parce que vous êtes les qui en parlent le plus, Colin. C'est ça. Mais c'est ça. Donc, est-il vraiment si radical que ça? Ça va être ma question de recherche aujourd'hui. Tu l'as-tu appelé pour lui demander? Non. Ah, OK. Non, parce que... Je pensais que ta recherche avait été aussi loin que ça. Non, vraiment pas. Je vais juste rétablir certains faits. Okay, bon, premièrement... Excusez, je replace mon sac. Ah, il n'y a aucun problème. souvent, ceux qui vont le taxer de radical vont dire « Ouais, checker en 2012, là, c'était de l'idéologie radicale, là, c'était de la gratuité scolaire, puis tout. » Bon, premièrement, faut faire une distinction entre le poste qu'il y avait et la personne. Qu'il est, ouais. Qu'il est. Puis je dis pas que Gabriel Nadeau-Dubois, dans ses convictions personnelles, n'est pas pour la gratuité scolaire. Par contre, la plupart des gens qui vont le critiquer en fait sur les propos qu'il a tenus en 2012. Puis ça, faut comprendre, il était porte-parole d'une coalition, donc d'une espèce d'organisme syndical étudiant. Ouais. Il était porte-parole. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, une fois de temps, à cette époque-là, les assemblées générales, c'était à toutes les semaines. Mm-hmm. Les congrès, c'était à toutes les deux semaines. Congrès, ça, c'est tous les assos membres qui se ramassent ensemble. Donc, tous ces organismes-là, puis la classe, qui était une espèce de l'AC plus ses amis. Bon, l'AC, c'est l'asso étudiante. Bon, qui se rappelle d'avoir été la plus radicale au Québec des dernières années, mais qui présentement est en train de se graisser. Ça, c'est les assos. Ouais. Les associations, ça, il y a comme un roulement, là. Ils commencent en étant très radical, tranquillement, pas vite, mettre de l'eau dans leur vin. C'est pas un choix, mettons. Puis, en général, ça finit de deux manières. Soit ils explosent parce qu'ils ont trop de... Ils représentent plus vraiment personne. C'est rendu justement... ils deviennent des caricatures un peu d'eux autres mêmes, ce qui, à mon avis, ce qui est un peu en train d'arriver avec l'AC. Puis de l'autre côté, il y a ceux qui font juste s'éteindre parce qu'à un moment donné, ils ne suivent pas pendant un mouvement. C'est le cas ce qui est arrivé avec la FERC, entre autres. Ouais. Justement, c'est 2012 qui a tué la FERC en quelque part, même si ça a pris une couple d'années avant d'avoir lieu. Des désaffiliations, c'est long à se faire. Fait que ça, c'est plus le cas de l'implosion. Ouais. Elle s'effondre sur elle-même. Ce que je disais, c'est que particulièrement dans le cas de la classe, on parle de porte-parole. C'était pas un président, il y avait pas un poste décisionnel, parce qu'il y en a pas de poste décisionnel dans l'AC, encore moins dans la classe. C'est toutes des assemblées générales qui décident. Donc lui, c'était l'assemblée générale va dire tes lignes de discussion vont être ça quand tu te fais interviewer. Dis ça. Voici les documents que les recherchistes ont préparés par rapport à ça. Apprends ça sur le bout de tes doigts, puis c'est ça que tu dis. Il n'y avait pas de son opinion à lui de non, ce qu'il disait ça. À cette époque-là. Bien important de comprendre ça. Aussi, la classe, ce qu'il demandait, c'était une hausse des droits de scolarité et demander la gratuité scolaire pour les études supérieures. Bon, là encore, on va dire que ça, c'est ben radical. Hey, la gratuité scolaire, écoute, les étudiants, il faut qu'ils payent à un moment donné. Puis là, je ferai pas le petit débat-là à matin, parce que moi-même, je suis pas nécessairement le plus grand défenseur de la gratuité scolaire. Moi, je me dis... C'est une manière. Le but, c'est l'accessibilité. C'est Mais c'est ça. Là, ce que l'AC proposait, C'était gratuité scolaire, oui, mais financé par l'annulation de l'AFE. Ça, c'est le bout qu'on oublie. Puis retour au palier des positions des années 90. OK. Ce qui... Ça, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Dans le fond, présentement, il y a 4 paliers d'imposition au Québec. Il y en a déjà eu jusqu'à 9, si je me rappelle bien. Puis ça, ben là, il y en a qui disaient... Il y en a qui vont nous répondre, « Ouais, mais là, plus de paliers d'imposition, on va se faire plus imposer. » Non, en fait, ça, c'était basé sur des recherches qui avaient déjà été faites, ce que l'AC proposait. Puis en fait, ça faisait qu'il y avait à peu près 80 % du monde au Québec que leurs impôts diminuaient, en fait. Okay. Qui paieraient moins d'impôts avec ça. C'est une bonne chose, finalement. Ben, quand même. Ben, c'est ça. C'est juste que certaines personnes qui gagnaient plus cher, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un cap, quand t'es rendu à 100 000, ben, c'est le même. T'as un palier d'imposition au-dessus de 100 000, puis c'est tout. Ouais. Fait que tu payes le même pourcentage que tu gagnes 100 000 ou 500 000. Ben, pourcentage pour ton revenu au-dessus de ouais, ça. C'est parce ça, que c'est un impôt progressif. Là encore, ça mériterait toute une chronique en soi. En fait, ils se donnent des cours de 45 heures là-dessus qui ne font qu'effleurer le sujet. Parce c'est ça. Notre système fiscal au Québec et au Canada, puis en Amérique, en fait, les systèmes fiscaux sont hyper compliqués. Donc, déjà là, ça se taxait beaucoup de radical. Faut dire que, bon, l'AC, eux autres même, le noyau dur, on va dire, de ce mouvement-là en 2012, avait quand même beaucoup de positions, bon, pour la féminisation, pour un paquet de choses, qui sont quand même assez poussées, qui sont quand même assez avancées. Puis on n'est pas encore rendu dans l'idéologie du goulag, là, mais non, pas pendant tout. Mais c'est juste pour dire que, bon, quand c'était la classe... qui était le noyau dur de l'AC et les amis, mettons, on va dire ça de même, ben c'était pas si radical que ça déjà là. C'était beaucoup moins radical que ce qu'on prétendait. Là, il y en a qui vont me dire, parce que tu sais, on s'entend, bon, la gratuité scolaire, c'est, je veux dire, le rapport parent qui a entre autres donné la fondation des universités du Québec, des cégeps. Avant le rapport parent, il n'y avait pas de ministère de l'Éducation. Il y en a eu un tout le temps depuis. Après, on a compris que ça servait à de quoi. C'est ce que déconfessionnaliser l'école au Québec puis tout le kit. Ben, dans le rapport parent, il disait que, bon, l'université, faudrait qu'éventuellement ça devienne gratuit. L'idée, c'était de. Il y avait des frais de scolarité à ce moment-là, puis il était pour ne jamais les augmenter pour que tranquillement, pas vite, ça devienne presque gratuit avec la hausse du coût de la vie. Fait qu'on s'entend, c'est pas très, très. Tu sais, c'était des directeurs d'université, justement, des recteurs d'université, des directeurs d'école, des sous-ministres qui étaient là-dedans. Là, c'était pas des gros carrés rouges. Comme des, on parle. C'est ça, c'était pas des gros marxistes-léninistes là, en Black Bloc. Là. Il y en a qui vont dire, ouais, mais justement, tu parles des Black Blocs. Gabriel Nadeau-Dubois n'a pas condamné la violence en 2012. Oh. Oui. Mais là, il y a une nuance à faire, par contre. Parce qu'il ne condamnait pas les débordements dans les manifestations. Puis ça, on peut être pour, on peut être contre ça. Mm-hmm. On peut peut-être dire, ouais, il aurait peut-être dû quand même dire au monde de se calmer un peu. Par contre, ça n'équivaut pas à inciter à la violence. Non, c'est ça. C'est pas la même chose. Faut rappeler aussi les fameux débordements dans les manifs. Il n'y a pas de manifestants qui ont blessé d'autres manifestants. Non. Ils n'ont pas blessé des passants non plus. Il y a du monde qui ont été mis en retard. Il y a eu du vandalisme, effectivement. Ouais, ouais, ouais, bon, moi, ce que je... Pour avoir été dans assez pas mal de manifs dans mon temps, c'est pas pendant la manif que ça se passe. D'habitude, c'est après. Par contre, ceux qui l'accusent de ne pas avoir dénoncé ces bris de ce vandalisme-là et ces manifestations qui supposément virent au vinaigre à l'affrontement, on en a pas vu beaucoup condamner des situations où, que, mettons, il y a des manifestants qui sont repartis en ambulance parce que les policiers en anti-émeute, en full body armor, ça a l'air, tu sais, je veux dire, si vous regardez des photos, là, je veux dire, on croirait le commandant Shepard dans Mass Effect. Là. Ben, c'est ça, qui rentre des manifestants, qui blessent du monde, qui blessent, puis je veux dire, qu'a vécu, là, ça m'est arrivé, là, qui pitch des grenades lacrymogènes vers les autobus du monde qui veulent s'en aller pour pas être pogné là-dedans. Que les passants se font ramasser, que les passants se font arrêter, que le monde se font prendre en souricière. Bon, tu sais, mais ça on n'en parle pas. Fait que, ouais, il y a du monde qu'on sait même pas s'ils sont vraiment reliés, qui ont pété une vitrine. Puis ça a souvent été sa défense par après aussi quand il se le fait dire. C'est qu'il dit, ouais, je veux bien dénoncer la violence. C'est vrai que dans un monde idéal, on ferait pas de. On briserait pas le mobilier urbain quand on fait des manifestations. Mais en même temps, tu sais, il y a du monde qui a été blessé, puis ça, ben, on n'en parle pas. Mm-hmm. Tu sais, ça reste comme mort de main. Ouais, pas mal. Fait que là, on va me dire, ouais, mais là, il est allé en cours, là, puis là, il avait encouragé le monde à pas respecter la parole des juges, puis tout ça. Bon, premièrement, ça se répond assez facilement. Ça s'est retrouvé en Cour suprême, mm-hmm. à force d'appel, donc la plus haute cour au Canada. Puis, il a eu raison. Ouais, c'est ça. Bon, ce qui est arrivé, c'est que premièrement, la poursuite, c'est-à-dire que telle entrevue, en particulier à RDI, il aurait incité les gens à briser les injonctions. OK. Bon, premièrement, ce que le juge a reconnu, c'est que c'était pas une incitation à briser les injonctions, cette injonction en particulier, ainsi de suite. Donc, premièrement, je me rappelle plus de son nom, là, Laurent quelque chose, là, qui a traîné oui. Gabriel Dubois en cours, justement. Bon, premièrement, il a fait très mal sa poursuite. Il l'a rendu trop spécifique. En même temps, ça aurait peut-être pas passé si ça aurait peut-être même pas été recevable s'il l'avait fait plus général. En même temps, parce que c'était outrage au tribunal, en fait, qui était accusé. Okay. Fait que ça constituait pas un outrage au tribunal de la façon que Gabriel Landau-Dubois l'a dit. Ça. Ah, t'es un fin politicien? Oui. Ouais, c'est ça. Non. L'autre chose aussi, c'est que ben les injonctions, en fait, il y a beaucoup de juges qui ont été critiqués. C'est les mêmes 2-3 qui ont donné toutes ces injonctions-là, qui ont été critiquées en 2012 parce que c'était des injonctions qui étaient impossibles à faire respecter. Et quand tu reconnais aucune, et là je dis bien absolument aucune forme de légitimité à une association étudiante comme organisme, puis comme association justement, ben OK, ces injonctions-là se tenaient un peu, mais si tu reconnais qu'une asso étudiante, c'est un groupe d'un groupe d'intérêt, tu peux pas dire « Ouais, mais OK, on va juste... Bon, ils ont voté pour ça, mais on s'en fout du vote. » Ouais. Puis on accepte l'injonction pareil parce que telle personne n'est pas d'accord avec ça. Mettons, si ça avait été un syndicat, ça n'aurait jamais été recevable comme injonction. Non, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, c'était comme un double discours à un moment donné, puis ça a été... c'était un peu ça qu'il essayait de caler, dans le fond, par rapport à tu sais, ben, on peut pas, tu sais, amener, je veux dire, OK, faites-en, allez caler des injonctions si vous voulez, mais il y a quand même une majorité de monde qui ont voté pour ça. Ouais. Puis là, il y a tout le temps l'éternel argument de, mais que là encore, je veux pas embarquer là-dedans parce qu'on préfère, là encore, une pas une chronique, là, une émission complète là, sur le c'est-tu justifié de les assemblées générales ont-elles légitimité ou non? C'est souvent un problème de dire que, ben, regarde, comme à l'EGEQTR, c'est physiquement impossible que tous les membres soient dans une assemblée générale. Je vois Xavier Méclich qui semble interpellé par la chose. Non, mais... Allô? Bon matin, en passant. Bon matin. Mais, t'es arrivé pendant la chronique à Seb. Oui, tranquillement, je me suis installé derrière sans bruit. Mais tu penses que c'est impossible d'obtenir physiquement ou juste obtenir les voix de tous les membres de l'Assemblée? C'est physiquement impossible parce que, bon, moi, les derniers chiffres que j'ai vus, puis ça date déjà d'une couple d'années, il y avait 13 000 étudiants à l'UQTR, dont certains qui n'ont jamais mis les pieds sur le campus, mais qui sont quand même membres de l'EGEQTR. Oui, parce que les étudiants web sont membres. Oui, exactement. Ouais. Je pensais pas. C'est parce que quand c'est ils payent une cotisation même. C'est vraiment compliqué là-dessus, là, mais il y en a qui comptent. Ça dépend des programmes, en fait. Il y en a qui comptent comme des hors campus, il y en a qui sont quand même membres de l'EGEQTR. C'est hyper compliqué, en fait. Je pense que ça dépend aussi de ton nombre d'heures de cours mais online. Clairement, le gars, il peut pas payer une cotisation étudiante s'il est juste en ligne. Il peut pas venir profiter de la chasse. Oui, il peut venir profiter de la chasse. Oui, il peut venir pareil. Mais sa carte étudiante, même s'il y a des cours en ligne. Oui. En principe, oui, il faut que tu la fasses faire. Okay. Oui, parce que tu peux aller quand même à la bibliothèque, mais, tu peux utiliser les infrastructures et tout ça. Tu sais, un gars qui vit en Gaspésie, qui a un cours en ligne sur, comme ici, qui se donne sur les CPH direction, lui, il va prendre une bière à Chasse-Galerie pour 250 heures. Oui, mais c'est ça. En même temps, tu sais, oui. Ben oui. Puis de un, mais l'autre affaire aussi, c'est que mettons que malgré le fait que c'est un cours en ligne, il y a un litige par rapport à son cours, puis il a besoin d'aide pour, mettons, il a affaire au vice-président des affaires académiques pour défendre son cas parce que, mettons, il a été, ses droits ont été lésés par rapport à la note que le prof a donnée ou le prof a jamais donné la note, puis le cutter se pogne derrière par rapport à ça, puis ainsi de suite. Ben, il envoie un courriel au VP académique, aux affaires académiques, puis il va s'en occuper. Ouais, fait que c'est quand même, il profite quand même des, tu sais, je veux dire, c'est un exemple parmi tant d'autres de dire c'est pas parce que t'es pas physiquement sur le campus que ta cotisation s'en va dans le vide. Non, donc ça veut dire que clairement c'est presque, je mettrais impossible qu'on soit ramasse tout dans une pièce parce qu'on vendrait probablement une pièce assez grande à l'UQTR. Ben c'est ça, puis c'est justement pour avoir tenté de le faire en 2012. Nous autres, le gros record, c'est parce qu'une des affaires, c'est que ça va dépendre des associations, en fait, mais comme une des choses qui est tout le temps très importante, c'est que faut que ça soit proche du campus, justement, parce que quand même la majorité des gens pensent que le campus est quand même le centre. Ouais. Est-ce que l'université, selon vous, est le centre de Trois-Rivières? Non. Mais boy, non. Ben non, pas en tout. OK, non, mais pour les étudiants, beaucoup d'étudiants pensent ça. Ben, pour oui. Ben, quand... Bon, là écoute... Excusez-moi, je change de sujet. Ah non, mais c'est correct, mais c'est que l'UQTR, en fait, on est une des universités au Québec où les gens habitent le moins dans la ville. Ouais, ça, nous, puis Sherbrooke, on est du rabat. Mais Sherbrooke, en fait, le monde habite plus... Le monde qui vient de l'extérieur puis qui décide d'aller étudier à l'université de Sherbrooke habite plus à Sherbrooke que les gens qui viennent de l'extérieur de Trois-Rivières qui veulent étudier à l'UQTR. OK. Ouais, c'est vrai. C'est un peu difficile à expliquer, là, mais c'est ça, l'UQTR, dans le fond, il y a toutes les universités au Québec, il y a un paquet de statistiques à tous les ans qui sont sorties par rapport à ça. Puis une de ces statistiques-là, c'est le déplacement moyen pour venir à ses cours. Puis l'UQTR, on est le plus grand au Québec. Mais c'est 45 minutes la moyenne. On fuck aussi les systèmes de 0-20, nous autres. Hein? 0-30, je pense, c'est quand ils mandent les résidents là, au niveau de Trois-Rivières. Là. On booste les statistiques, ceux qui restent ici. Mm-hmm. Puis quand ils enlèvent les étudiants, ils réalisent qu'ils n'ont vraiment pas de famille 0-20, 0-30. Là. Ouais. C'est quand même assez fucké. Ben, Trois-Rivières, à base, on était la capitale du troisième âge. Exactement, ben, je pense qu'on l'est encore. C'est ici les autoroutes de triporteurs. C'est ça. OK, non, je pense que je me trompe de ville. Exactement. Fait que, donc, de rassembler tout le monde, c'est quasiment impossible parce que au-dessus que sort du campus, c'est quoi? Il y a l'école Chavigny qui est la plus grosse, qui est les plus gros locaux? Ben non, en fait, il y a une des choses, il y a au terrain de l'expo, entre autres, ça avait été considéré, mais c'est pas bon. En tout cas, moi, je parle du cas dans le temps que j'étais impliqué dans ces choses-là. En 2012, le terrain de l'expo, ça coûtait cher. Mm-hmm. Puis même là, on n'était même pas capable de rentrer tout le monde. Ce qui avait été considéré à un moment donné, parce que bon, pour la petite histoire, en 2012, on a eu une assemblée générale de grève c'était dans le CAPS qu'on a fait ça. On avait fait ouvrir tous les gymnases. Il y avait eu 2500 personnes. 2500 personnes dans le CAPS, je peux vous dire que ça fait du monde en tabarouette. Sur combien t'avais dit au début? Sur 13 000. Fait que c'est même pas... C'est considérable. C'est décorum? C'est oui. Okay, oui, c'est quorum. Le quorum, quorum est à 80 personnes. Oh, OK, pour mon Dieu. Le GEQTR. Ouch. Puis quand ça a été monté à 80 personnes, avant, c'était à 60. Puis quand on l'a monté à 80, c'était comme la grosse affaire. Il n'y aura plus jamais d'Assemblée générale qui va avoir quorum, puis tout. Ça, c'est un problème qui est connu depuis des années à l'OGEQTR. C'est qu'on est la plus grosse des petites assos. Mettons, vous donner un exemple, le modèle type AGE, c'est-à-dire qu'il y a une asso de campus, tous les étudiants et étudiantes sont membres d'une asso campus. Ça fonctionne dans les très petites universités, mettons, comme l'Université du Québec à Rimouski, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, ainsi de suite, qui sont 3000, 4000 étudiants. Ouais, c'est ça. 5000 à la limite, ça marche. Nous autres, dans le 13 000, on est la plus grosse des petites et la plus petite des grosses. Ah, c'est... Sinon... Drummondville n'est pas compris, là. T'oublies le campus de Québec, t'oublies le campus de Drummondville. En 2012, le campus de Drummondville n'existait pas. Mais en tout cas, à ce moment... C'est qu'en fait, ça tombe dans les... je sais plus c'est quoi l'arrangement pour le campus de Drummondville en particulier, mais c'est que, mettons, comme le campus de Québec... c'est le campus de Québec. Les autres hors campus, c'est qu'il y a une autre association juste pour eux autres, en fait. OK. C'est juste que les... Ils sont auto-représentés. Ouais, c'est ça. C'est le AGEHCUQTR, l'Association Générale des étudiants hors campus de l'UQTR. OK. Ah, okay. C'est un autre asso complètement. Mais ils sont pas divisés. C'est pas Québec qui est un asso, Longueuil. Non, il y a une asso pour la diaspora UQTRienne. Mais on est impressionnant au niveau des centres universitaires. Je pense qu'on en a comme 3 ou 4. Ah, ben c'est. Il y a deux. Dans le mouvement étudiant, là, hors de Trois-Rivières, l'UQTR, on a deux réputations. On a l'UQPLQ. Puis on a l'université avec des tentacules partout. Donc, répète, que veut dire UQPLQ? Est-ce que ça UQPLQ. Se dit en nombre? Ben oui, ça se dit en nombre. Vas-y. Ben, c'est que c'est un peu un secret de Polichinelle que dans la haute, mettons, depuis des décennies, dans la haute direction du QTR, ça a souvent été des gens qui étaient très, très, très, très proches du Parti libéral du Québec. OK. Je veux dire, jusqu'à v'là, il était là jusqu'à v'là 2 ans à peu près. Non, un petit peu plus que ça. Là, j'ai pas les dates en tête, je m'étais pas préparé pour ça, honnêtement, mais il y a André Gabiaz qui a été directeur général, secrétaire général, excusez, de l'UQTR pendant longtemps. Je veux dire, c'est lui qui fait toute la paperasse, la grosse paperasse de l'UQTR, c'est lui qui a fait. Qui a été député du Parti libéral pendant un bout. Il a été député de Trois-Rivières pendant un bout de temps, M. Gabiaz. Puis là, je suis pas en train de dire. C'est juste que dans le mouvement étudiant, le PLQ, c'est considéré comme le mal incarné. Là, on va se le dire. C'est pas très, c'est un peu péjoratif quand on se fait dire ça. Mais c'est ça. C'est un peu la réputation qu'on a, ça. Puis le fait que ben, l'UQTR a des tentacules partout. Non, mais c'est les centres universitaires, parce que je cherche un peu à finir un certificat externe. Parce que oui, même malgré mes 12 ans, j'ai peut-être plusieurs cordes dans mon arc. Ouais, c'est là. Ça. Mais et je regardais les centres universitaires et je réalise à quel point je peux aller à bien des endroits pour faire mes examens. Je pense que je pourrais habiter en Abitibi-Témiscamingue pour avoir un centre universitaire. Là. Ouais, ben c'est la mission des UQ, des UQ, en fait, à la base des universités du Québec, c'est d'avoir de la formation en région. Je comprends pourquoi ils appellent pas ça UQ Abitibi-Témiscamingue, UQ, tu sais, UQTR Québec, c'est comme. Ils pourraient appeler ça UQ Québec, là. Non, mais je sais pas. Ben, c'est que ça. Encore gouvernance des UQ, des universités. J'ai déjà fait des chroniques d'une heure là-dessus. Ouais, exact. C'est compliqué, là, mais c'est qu'en fait, malgré le fait qu'on se voit une université publique puis tout ça, une université, même comme l'UQTR, c'est un organisme à part, c'est quasiment un petit pays en soi. Là. Mm-hmm. C'est ça. Fait qu'on a envoyé des colons à plusieurs c'est endroits. Ça, exactement, c'est ça, exactement. Fait qu'on a rien de populer dans d'autres territoires. Notre université, exactement. Et on va devenir une nation. Est-ce qu'on a un éclair parmi nous? C'est une bonne question. Non, mais parce que, tu sais, à un moment donné, si tu veux convaincre des gens d'adhérer à ce mouvement. J'ai des anciens camarades qui. Toi, tu dis que tu as 12 ans. Moi, ça va faire 10 ans que j'étais l'UQTR. J'ai des anciens camarades qui étaient là bien avant moi qui auraient des noms de recteurs à donner par rapport à ça. Mais finalement, est-ce que Gabriel Nanodubla est intense tant que ça? Ben, moi, ce que je voulais finir, en fait, tout ce que je disais, c'est que depuis tantôt, je donnais des exemples de ce sur quoi on se base pour dire que c'est un radical. Ben ouais, que, c'est ça. Hein, le champ de ruines que va être le Québec, là, je cite Denise Bombardier, le champ de ruines que va être le Québec. Mais lui, à cause de Québec, Gabriel Québec solidaire. Oui, il s'est présenté au PLQ, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, exactement. C'est un gars de PLQ. C'est ça. Il va être à l'UQTR bientôt comme directeur, faites attention. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Ben, moi, ce que je voulais en venir, c'est qu'on se base sur des trucs, bon. Qu'on exagère beaucoup. Il y a beaucoup d'enflure verbale dans ces cas-là. Puis, c'est qu'il ne faut pas oublier que dire que quelqu'un est radical, en fait, la radicalité, c'est une mesure relative. Ce que je veux dire par là, c'est que t'es tout le temps radical par rapport à quelque chose. Ouais, c'est ça. Faut être une norme. C'est ça. C'est radical par rapport à quelque chose. Si t'es radical par rapport à Pauline Marois en ce moment, tu es tout le monde. C'est parce qu'elle a boit un verre sur sa terrasse. Ouais, c'est exactement. Tu sais, t'es radical par rapport à, t'es radical par rapport au statu quo puis à voir l'équilibre budgétaire comme un enjeu de société. En ce moment, un projet de société, je devrais dire. Tout est plus radical que ça. Là. Tout est plus radical que René Lévesque en ce moment. Parce que René Lévesque, il est plus là, il peut plus rien dire. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Si tu vas avec la mémoire de René Lévesque. Non, avec la mémoire, René Lévesque a été radical des deux côtés. Mais là encore, ça m'entraîne une chronique assez seule. Faudrait pas s'asseoir ensemble autour d'une table parce que je pense que ça serait trop long. Je pense que ça deviendrait une espèce de trou noir de. Ouais, exact. D'informations. Ça ne finirait plus. Tout ça sans jeu de mots de Mathieu d'ailleurs. Non, parce que s'il y avait des jeux de mots de Mathieu, ça serait encore pire. Mais je pense que ça ferait juste des silences. Mais il nous écoute, fait que vous faites lui dire ce que vous voulez. Mais Mathieu, si tu serais là, il y aurait des temps morts parce qu'on rirait tes jokes. Mais là, on dirait que c'est juste de l'information continue. Hein, c'est voilà. C'est à ça. On vient de trouver à quoi Mathieu. On vient de trouver à quoi détendre Mathieu Plantier. Ouais. C'est ça. On est désolé, Mathieu. Mathieu Plantier est cultivé. Ben non, on l'aime. Ce spectacle. Fait que, c'est ça, en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que, le but de ma chronique, c'était de rassurer Denise Bombardier. Gabriel Nadeau-Dubois, effectivement, est élu pour Québec solidaire, ce qui, au contraire, me surprendrait, honnêtement, là. On s'entend, j'ai bien l'impression que les gens qui ont voté pour... parce que là, ils se présentent dans Gouin, au partiel qui vise à remplacer Françoise David. Françoise David lui a donné son 110% d'appui. J'ai bien l'impression que les gens qui ont voté pour Françoise David vont voter pour lui et que même d'autres qui votaient pas pour elle vont voter pour lui. Oui, peut-être. Tu sais, c'est pas pour rien ce qu'on parle. Est-ce que ça va être un revirement de situation pour Québec solitaire? Pensez-vous que Gabriel Nadeau-Dubois peut virer la situation? La langue t'a un petit peu fourchée, toi. Oui. Hein? mais oui, en fait, je pense que c'était... Tu sais, c'est une des affaires. Gabriel Nadeau-Dubois, c'est un des premiers... je tiens à le dire, parce qu'il y en a quand même certains, des premiers de, on va se le dire, on a tous à peu près le même groupe d'âge ici autour de la table présentement. Ouais. C'est un des premiers vrais politiciens. Ouais, bon, OK. Sauf Xavier. C'est un des premiers vrais politiciens, on va dire des Y, là. Ouais. On en a eu une couple d'autres avant. Il y a eu Léo Bureau-Blouin qui était, je m'excuse, mais un Y qui a fait « Hey, moi, je veux une carrière, je vais mettre mon veston de... » Exact. Oui, c'est vrai. Y a-tu fait quelque chose? Ben, en fait, aujourd'hui, il fait plus rien en politique. Non, moi, il s'est retrouvé un autre job. Ben, là, il est dans. Il vire encore. Travaille au dépanneur à Montréal. Non, mais il vire encore au dépanneur. J'ai vu l'autre fois, il était pompiste. Exactement. Je pense qu'il est rendu staff parlementaire pour moi, quelque chose comme ça. Il est plus impliqué directement politiquement, mais il est impliqué par en arrière. Ben, il travaille encore. Il n'est plus député. Il n'a pas été réélu. Moi, c'est qu'une des affaires, ce qu'on oublie souvent, c'est que en 2012, bon, il y a eu des élections au mois de septembre. Dans le fond, le gouvernement Charest avait déclenché des élections en disant, ben regardez, on s'en va sur ces élections là-dessus. Ça va être la gestion de cette crise-là. Ça a été. Ça sera l'enjeu électoral principal. Le PLQ a perdu. Ces élections. On a eu 18 mois de gouvernement minoritaire péquiste. Pendant ce temps-là, Pauline Marois, qui était donc du côté des étudiants, que le PLQ savait donc pas d'allure ce qu'ils ont fait, a fait une pire hausse que le PLQ finalement. Le mouvement étudiant s'était pas remis parce qu'il y a de l'investissement, là, temps, d'argent, de ressources, de tout exact. Ça. Mais ils ont fait une comparaison à ce que c'était censé être et ce que c'est. On a quand même gagné sur certains points. Ben, on a perdu une bonne partie du crédit d'impôt. Moi, j'étais pas là, j'étais pas au monde. Hein? Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça. On a perdu une grosse partie. T'étais en train d'apprendre à écrire. J'ai probablement. C'était là 5 ans. En lettre attachée. C'est j'ai ça. J'apprenais la lettre attachée. Ouais. C'est ça. On a perdu le crédit d'impôt. On a été regagné un petit peu sur l'aide financière, mais c'est honnêtement des peanuts. Puis là, c'est que ce qui arrive, c'est qu'à la place d'être. Sur le coup, la hausse était moins agressive. Mais c'est que c'est une hausse cumulative qui n'arrête pas. Ce qui avait été dit, c'est que c'était une hausse qui était supposée suivre l'inflation, mais en fait, la façon qu'elle a été settlée, c'est le double de l'inflation. Fait que c'est une hausse dans les faits, puis c'est une hausse qui n'arrêtera jamais. Le PLQ, la hausse, c'était sur 5 ans, on double, en gros. Ouais. Bon, on double pas tout à fait, mais pas loin. Fait qu'avant, c'est pas nous autres qui va payer, c'est plus nos enfants. Ça a tout le temps été ça, en fait. Puis pour redonner, je me l'étais même noté dans ma chronique. On est un peu comme tout le temps quand je fais ma chronique, on est parti de tous les bords. Mais c'est pour donner un exemple, la position de la GEQTR, pourquoi on était contre la hausse des frais de scolarité, c'était pas qu'on était pour la gratuité scolaire, c'était pas qu'on était là, contre toute forme de hausse même. Mm-hmm. C'est que la position officielle de la GEQTR, c'était de dire... on ne touche pas aux frais de scolarité tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas eu ce qu'on appelle des états généraux de l'éducation. Qu'est-ce que des états généraux de l'éducation? C'est tous les acteurs ciblés par l'éducation, les universités, les étudiants, les assos étudiantes, toute la kit, s'assoient dans une place, puis on fait une grosse commission par rapport à ça, puis c'est comme la commission Charbonneau. Ce qui avait, en fait, comme la commission Parent qui a été faite dans les années 60, ouais. Qui a donné. Tu sais, t'as manqué ce bout-là, c'était pendant que tu te plaçais. qui a pas donné. D'implant. Ben, en gros, à la fin des années 60, ils ont fait ça. Les gens d'État généraux qui ont donné une commission d'enquête, qui a donné finalement un rapport, que qu'on est encore en train d'appliquer ce rapport-là. Création du ministère de l'Éducation, création des laïcisation des commissions scolaires. Avant, les commissions scolaires, c'était même ça l'a été encore pendant un bout. Commissions scolaires, c'était par religion, mais avant, c'était géré par des religieux. Là, on a sorti le religieux de l'école. Mais au niveau du l'école. Privé, ça commence aussi à se laïciser. Là, pas mal tout le monde, il n'y a presque plus d'écoles religieuses là, au niveau du privé. Ça, c'est complètement faux, en fait, mais c'est des écoles illégales, en fait. Ouh! Que, c'est comme des tout un autre affaire. Mais comme ouais, moi, j'allais au secondaire il y a quelques années, dans une école. Deux semaines, ça veut dire. C'est ça. Mais moi, je vais tellement vite, le certificat de doctorat, écoute, à 14 ans probablement. Mais c'est ça. Et c'était des frères qui géraient l'établissement. Ils n'enseignaient plus, bien sûr, là, à 85 ans. C'est sûr qu'on a eu des belles circonstances comme des frères Alzheimer qui revenaient dans leur salle de classe. Mais. Tu es un gars du séminaire, toi. Non, je suis un gars de Québec. OK. Donc. Donc ça, mais est-ce que c'est légal d'avoir ces institutions-là gérées par... Oui, en fait, tant qu'il... c'est parce que c'est du privé, puis là, ce qui arrive, c'est que c'est pas tel prêtre, ou c'est l'OBNL, mettons, qui est la congrégation de prêtres qui gère l'école. Mais ils ont pas le droit d'en faire une école religieuse, mettons. Il y a presque plus de frères ou sœurs qui enseignent. L'école elle-même n'est pas confessionnelle, même qui en est propriétaire, mettons, est confessionnelle. Parce qu'on a la même chose à Trois-Rivières que le séminaire Saint-Joseph qui appartient. C'est ça. Ils appartiennent à une communauté religieuse, mais ils vivent dedans puis ils sous-louent à une école qui est une identité. En fait, c'est que l'école n'est pas un organisme à but non lucratif. Là. L'école est une entreprise. Puis l'entreprise, le propriétaire de l'entreprise, c'est l'OBNL qui. Et voilà. Là, on tombe dans la légalisterie. C'est ça. Fait que, bref, ça pour dire le point de vue de l'OGE-QTR, c'était de. Ben, tant qu'on refait pas une grosse consultation comme ça, on est dû en tabarouette. Ça fait 40 ans qu'on est dû. Ouais, exact. On touche pas aux frais de scolarité. Point. OK. Fait que théoriquement, s'il y avait eu, mettons, un gouvernement, Québec solidaire devient gouvernement de main, puis gratuit scolaire à l'université, ben techniquement, il faudrait que le GEQTR soit contre ça, puis se dire, ouais, mais vous avez pas fait de vraies consultations avant de faire ça. Donc, il te reste s'opposer à la gratuité scolaire, puisque leur point de vue est de. OK. C'est contre-intuitif, là. Ouais, c'est. Mais. C'est comme dire, on veut continuer à payer tant que vous avez pas fait un bon choix. Ouais, ben tu sais, c'est que c'est de dire, tant qu'à prendre une décision, prenons-la comme du monde, faites-le pas sur un coup de tête, parce que les conséquences pourraient être pires. Tu sais, si, mettons, on donne un exemple, si la gratuité, c'est pour ça que tantôt je disais, je suis pas personnellement un grand fan de la gratuité scolaire comme solution pour l'accessibilité. Le but final, c'est tout le temps l'accessibilité. C'est que n'importe qui, il n'y a pas de limite financière à sa capacité de faire des études. Mais moi, ce que je me dis, c'est que tu gardes des frais de scolarité minimaux, puis tu. Moi, si mettons qu'on avait un vrai salarié étudiant, moi, j'aurais rien contre que. En même temps, ça devient un peu contre-intuitif, mais bon, tu sais, ça, c'est bien dans les tailles. Ben non, mais ce que je veux dire, c'est que mettons que t'es salarié pour être. On considère que t'es salarié pour être aux études, ben là, c'est un peu vache de te faire payer, mais en même temps, moi, ce que. Le but, c'est qu'on aille toute la Mais ça amène, c'est qu'on ça a tous les moyens aussi. C'est que quelqu'un qui a le talent pour aller à l'école puis la volonté a les moyens d'aller à l'école. C'est ça l'idée. Ouais. C'est ça le principe. Là, justement, l'idée, c'est que pourquoi est-ce qu'on pourrait être contre la gratuité scolaire? C'est que oui, si on fait la gratuité scolaire, fine, mais si c'est fait à la botch puis qu'on coupe dans tout puis que la gratuité scolaire fait que nos universités soudainement se mettent à aller tout croche parce que tout le revenu relié à notre. À ce qu'on paye comme frais de scolarité, du jour au lendemain, on fait juste couper ça puis on réinjecte pas, ben c'est sûr qu'il va en avoir un problème. Là. Ben c'est sûr. Ça sera pas un immense problème parce que ça, d'ailleurs, ça avait été fait en 2012 à l'Université Laval, qui, il faut le dire, est une université à charte, qui n'est pas la même chose qu'une UQ. Non, exact. Tu sais, donc, ils ont beaucoup plus de revenus de philanthropie, entre autres, ce qui est là, c'était peut-être là le changement un peu, mais si l'Université Laval. Il y avait les étudiants cessaient de payer, toute la gang là, d'un coup boycottaient leur facture là, en gros, là, ne payaient pas leurs frais de scolarité. Ça prendrait 2 ans avant que ça paraisse dans les finances de l'Université Laval. T'sais, de dire comment ça paraîtrait sur certains mois, j'imagine, les équipes sorties n'auraient pas toutes la même. Ben non, justement. Exactement. Ça prenait 2 ans avant que ça joue sur les états financiers de la. C'est pour dire comment est-ce que me dire que le Rouge et Or avec toutes ses futures puis toutes ses affaires, c'est à chaque année les chandails avec les noms. Ça pis, là, c'est des donateurs, mon cher. Ouais. C'est la philanthropie qui paye ça. Puis à l'UQTR, ça vient de nos poches à nous les étudiants. C'est ça que c'est si tu veux jouer au football, ben donne 20 piastres de plus. Hein, fait que nous autres, à la sortie de secours, on fait tout le temps un joke qu'on est payé avec les salaires étudiants, c'est pas vrai. On est payé avec les cotisations étudiantes, c'est pas vrai, mais les équipes sportives le sont par contre. Oui, c'est ça. Hein, on va les traiter de furieux gauchistes. Oh mon Dieu, hein. Là, on va mettre les sportifs à dos. Pour les 13 000 membres de la GEQTR. Mais non, mais en même temps, c'est normal qu'on ait des équipes sportives. Puis que, il faut avoir des équipes sportives. Mais oui, exactement. Je dis pas qu'il y ait. Parce que sans équipe, il y a du monde qui sont attirés par ça. Mm-hmm. Là, il n'y avait pas le choix à l'époque là, quand ils voulaient attirer plus. Je pense à trop d'autres écoles où il y avait que des filles à Québec, Jésus-Marie, qui ont créé des équipes de sport pour attirer des garçons. Là. Ah, ben, tu sais. C'est pas le choix. Séminaire Saint-Joseph, ils ont investi, je pense, c'est 20 millions pour un nouveau gymnase pour jouer au basket dedans, exact. Alors qu'il y en avait déjà deux. Là. Mais non, mais c'est ça. Mais c'est pas le séminaire Saint-Joseph aussi qui a créé le cheerleading pour avoir plus de filles? Je crois que oui. Ça se peut. C'est eux autres. Hein, ouais, c'était pas mal dans le temps que j'étais là. Le CMI a créé une équipe de hockey masculine. Parce qu'il y avait des gars qui s'en allaient au CMI aussi. Non, c'est ça. Je pense que le sport, c'est une affaire. Moi, ça attire le monde. Ben c'est un beau coup d'œil, là, pense à Québec. Là. Moi, je viens de Québec. Là. Je fais des références à Québec là, pour ceux qui écoutent. Là. Le centre Vidéotron, là, C'est de la parure, là. Ça a l'air d'un gros bol de toilette, puis il n'y a rien dedans. C'est là, vrai, c'est pas vrai. Fourman disait que c'était un détecteur de fumée. Un détecteur de fumée, c'est vrai, ça ressemble à ça un peu. Un peu, mais tu sais, on va se le dire, c'est pas conçu. C'est conçu pour l'apparence, c'est conçu. Mais moi, je vois des games d'hockey parce que je suis un partisan d'hockey. Mais c'est le pire amphithéâtre pour aller voir une partie d'hockey. Ça te prend 45 minutes de te rendre aux toilettes parce que t'es sur le bord de la patinoire. Donc, c'est pas conçu pour ça. C'est conçu pour quoi? Pour bien paraître, pour être beau, puis pour attirer du monde. Et ça fonctionne. Ah, c'est sûr. Et voilà. Tout ça pour dire, Seb, en terminant. Rassurez-vous, Madame Bombardier. À toutes les Denise Bombardier. Oui, c'est ça, toutes les Denise Bombardier. Si comme pas ça, juste ça la Denise. C'est ça, les Denise. Rassurez-vous, l'apocalypse n'est pas pour les prochaines élections. Ah, hein, c'est une belle fin. Ils vont peut-être avoir un plus de votes. Plus de voix. Ben, ça va peut-être. Tu sais, en 2012, on disait, ah oui, c'est la jeunesse qui se réveille et qui saisit. Ouais, bon, ça s'est peut-être un peu rendormi, mais. On a snoozé un peu, mais je pense que ça tranquillement pas vite. On s'approprie notre démocratie. C'est un des premiers vraiment Y, c'est que la plupart des. La traque est finie. Ouais, je sais. Hein, ça veut ça, dire qu'il ça, était ça que veut je dire, ferme ça ma. Ça fait 37 minutes, tu parles. Des choses qui arrivent. La reboot, t'as pas le choix. Ouais, mon émission le lundi, on fait une heure, on est deux, puis des fois, on est obligé de s'inventer des segments pour boucher. Oui, mais avec Seb, c'est tout le temps comme ça. C'est parce que Seb, il fait une chronique, puis automatiquement, on a tellement de parenthèses c'est ça. Dans les chroniques mais à Seb. Dans le fond, si tu mets Seb dans un bécher, il déborde, mais il perce aussi la coquille tranquillement. Oh! Genre, il réussit à rester dedans un peu le liquide, mais il continue à déborder puis à aller chercher autre chose. C'est ça. Voilà, c'est une pieuvre. Voilà. Il y a des tentacules partout, comme il disait. Exactement. Exactement. Fait que c'était ça pour le bulletin Gertin. Ben merci. Puis au retour de la pause, ben je pense que Xavier, ça va être à ton tour. Ok, oui. Shit. Tout ça tantôt. C'est fou, 89.1 FM. We'll be right back. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. On l'a dans la tête pour 12 heures. Et oui, vous êtes toujours à l'Assemblage Reiki. Vous avez déjà entendu Xavier McLeish le chanter. Oui. Xavier, c'est à ton tour. C'est à mon tour. Puis là, on va pas faire la chronique de la huître immédiatement. Pas immédiatement, parce que j'ai trouvé quelque chose cette semaine. C'est du vieux stock, mais j'aime ça ramener du vieux stock parce que je pense que ça a un peu passé inaperçu. Mon Dieu, est-ce que tu les énumères toutes? Non. Genre, je fais les principaux, ceux que je trouve le plus brillant. OK, c'est bon. Dans le fond, c'est des trucs parce que nous, on est des étudiants. On est en appartement, tout ça. Puis des fois, on cherche des choses pour, mettons, recevoir. Oui. Des trucs pour rendre la vie plus facile. C'est vrai, parce que c'est pas tout le temps facile. Pas toujours facile. Étudiant. Et des fois, ça coûte cher. Je pense entre autres, là, dans le fond, ça va être quelques petits trucs pour te rendre la vie plus facile et qui te font sauver de l'argent, entre autres. Oui. Ou sauver des affaires comme ça. Donc, le premier, des life hacks, là. Oui, ça. Le premier truc, c'est que, mettons que tu as un petit garde-robe, parce qu'en appartement, tu n'as pas toujours immenses garde-robes. On a tout boire, on boit toute de la bière ou de la liqueur et on a des goupilles. Hein, des goupilles, ouais, tu retires ta goupille. OK. Tu l'insères sur ton premier cintre en métal. Ouais. Ce qui fait que, vu que tu as un deuxième trou dans la goupille, là, tu peux mettre un deuxième cintre sur le même support. Ah, ben là, tu peux même faire des kits avec ça. Fait que ça te sauve vraiment de l'espace dans ton garde-robe. Hey, c'est vraiment hot. C'est vraiment cool. Je fais clairement ça en avant chez nous tantôt. Comme genre ton garde-robe. Le gars, il va enlever toutes les goupilles. C'est... Non, t'enlèves les goupilles, c'est tes canettes. Tu l'accroches sur un de tes cintres, puis tu mets l'autre cintre dans l'autre trou de la goupille. Fait que tu condenses ton garde-robe, parce que tout le monde sait que les résidences ici ont des immenses garde-robes en plus. Ah oui, ben oui, ben oui. Fait que, comme ça, t'as encore plus d'espace pour te cacher dans le garde-robe si tu joues à cache-cache. Exactement. Donc, ça, c'est vu que Xavier a 12 ans. Oui, voilà. Un autre truc, quand tu reçois chez vous. Oui. Tu sais, sortir plein de petits plats pour la moutarde, le ketchup, le relish, les oignons, les. Parce qu'on s'entend que t'as deux plats dans la vie. Oui, c'est ça. Non, mais quand tu dis. Surtout si t'es étudiant. Et qu'est-ce que les étudiants mangent souvent? Des morphines. Ben, ça se cuisine bien. C'est vrai? Ça se cuisine bien. Utilise donc ton plat en muffin pour mettre ton ketchup. Tu sais, tu sépares dans tes trous de muffin chacun de tes condiments. C'est une bonne idée. Donc, c'est ça. Donc, ça te fait juste un plat à laver, mais en même temps, tout est là. Faut juste pas que tu sois en train de cuisiner des muffins pour tes invités en même temps. Mais non, mais cuisines des muffins avant. De toute façon, t'as des petits papiers dessus, fait que c'est pas sale. Puis tu mets tes condiments dedans. Puis voilà, ils peuvent manger des hot dogs parce que c'est la seule affaire qu'on sait servir. Hein? Ça coûte pas cher. Une autre affaire, on a tous des vieux plats. Ça m'a fait caboter. À CD. Oui, avec le trou au milieu. Ouais, exactement. Ben, pourquoi pas mettre un bagel dedans? Ah, c'est tellement une bonne idée. Voilà, ça te fait un Tupperware à bagel. J'ai trouvé ce... C'est juste que tu le payes un peu plus cher que chez Tupperware. Mais non, parce que t'as acheté... C'est cher, des Tupperware. Mais quand, tu sais, on avait tous des portes CD à graver, tout ça, ces CD-là sont pas tant chers que ça. Voilà. En fait, la tour de CD que ça vient dedans coûte moins cher que le Tupperware. Oui, exactement, c'est ça que j'allais dire. Finalement, non, tu rentabilises. Puis t'as 20 disques qui viennent avec, tu sais, c'est le fun, ça. Voilà, tu peux te graver plein de CD pour ton char. Deuxième chose, on va tous commander de la pizza. Et là, ça te prend comme un item que peu ou pas de personnes ont, à part si t'as acheté un vieux char. Ça, celle-là, si t'es étudiant puis que t'as ça dans ton auto, pour vrai, là. T'es high class. Tu t'en vas t'acheter une pizza, OK? Et tu as les bancs chauffants. Oui, ben oui. C'est étonnant de revenir chez vous, la pizza frette. Mets ta pizza sur tes bancs chauffants et pars ton banc chauffant au maximum. Ça peut pas être dangereux, genre. Ben non, je pense pas. Non, j'ai été livreur, hein, à 12 ans, j'ai mon permis de conduire de scooter. Donc, ils nous conseillaient d'avoir les bancs chauffants. Pour vrai? Pour vrai, oui. Parce que sur ton scooter. Oui, sur mon scooter, le banc arrière était chauffant. OK. Non, mais ils conseillaient au livreur d'avoir des bancs chauffants. Parce que ça chauffe le sac, donc la pizza est meilleure. Ouais, donc, quand le client prend la boîte, même si la pizza n'est pas nécessairement chaude parce qu'elle est dans un sac, on s'entend, ben, il va plus tiper parce que sa pizza est chaude, il réalise qu'elle est chaude. Ouais. Mais pour nous, enlève le sac de livraison, là, mets juste la pizza sur ton banc chauffant, elle va être chaude pour vrai. Ah, c'est une bonne idée. J'aime ça. Je tiens à dire, par contre, faut que t'en ailles en tabarouette du type de pizza pour te payer des bancs chauffants dans un char. Non, mais ça dépend. Si t'achètes une Minute de 97, tout équipé. Ouais, il y en a des popés. 97, il n'y avait pas ça dans les autos. Moi, c'est gelé. Ah ouais? Moi, j'ai une de mes amies qui a un 2004, puis elle a des bancs chauffants dans sa Kia Rio, genre. Mais ça Kia, ils font des... On partira pas par le chat au pilote, Tania, parce que sinon, ça finira plus, mais... Mais ouais, j'ai pas entendu des Kia, ils mettent tout le temps des vaches chauffeurs n'importe quel modèle. Oui. Ouais, ils mettent des caméras de recul sur des rios aussi. Ça, je trouve ça. Mais j'ai vu ici récemment une fille en Micra, je sais pas si vous savez c'est quoi. Oui, ouais, ouais. C'est comme le plus gros char de la compagnie Nissan. Non, c'est genre le tampon d'autoroute, là. Oui. C'est, et pas capable de se parquer de reculons. Ça, pour ceux qui s'amusent à Top Gear, c'est ceux qui connaissent Top Gear, dans le temps que c'était le vrai Top Gear, là. Ouais. Avant que ça soit l'autre, puis l'autre, là, qu'on s'en fout, là. Personne n'écoute, là. Quand ça c'était sorti, ouais, qu'à la place, t'écoutes de Grand Tour, qui est le vrai Top Gear. En tout cas, il avait fait un... Il a mané juste pour le fun, il avait checké la Nissan Micra, puis il y avait un autre auto de même qui était sorti qui se vendait ridiculement pas cher, puis il disait, pour l'argent que tu mets là-dessus, flambe en neuf, check ce que tu peux t'acheter usagé, puis ils sont arrivés avec des BM tout équipés, puis des supercars usagés, puis des affaires de même. Non, c'est ça, donc... Donc, c'est ça. Donc, pour les caméras de recul, ça peut être pratique pour certaines madames qui ont pris leur permis dans une boîte de Cracker Jack, comme on dit par chez nous. Mon Dieu, hein, oui. Deuxième point. Tu sais, les vieux sports pour enfants avec des pinces. Ben oui. Pour mettre tes pantalons, là. Ouais, mais tu sais, comme tu peux accrocher tes pantalons dessus. Mais moi, là, c'est l'affaire que je trouvais plus seule. Il n'y a rien de plus gossant que quand tu, mettons, tu te pognes une revue de cuisine parce que tu veux te faire de quoi d'un peu spécial, là. Mm-hmm. Tu es trois fois par jour. Là. Genre, tout le temps en train de refermer la maudite, là. Mais tu pinces la revue avec les deux petites pinces, tu l'accroches sur ta poignée d'armoire. Fait que là, elle est à hauteur de tes yeux, puis elle est tout le temps ouverte. C'est une très bonne idée. Sérieux, là, genre, j'ai trouvé ce site-là, puis je me suis dit, ma vie va toujours être plus facile. C'est sûr, hein, c'est sûr. Puis c'est toujours le fun de faire ça, puis de réaliser à quel point c'est cool. Il y a une autre affaire aussi. Combien de fois on a perdu les manettes dans le divan? Oh my God! C'est une activité assez courante chez moi, ça. Et il propose, ce petit site-là, d'acheter pour 2$, j'ai vérifié ce matin, pour 2$ un bande de velcro d'un pied, OK? OK, ouais, pour ça, un pied, t'en as pas mal, là. T'en as un peu mal. Tu te coupes des carrés d'un centimètre que tu colles d'un côté sur ta manette, de l'autre côté sur ton meuble de salon. Fait qu'elle est là. Tu peux pas la perdre, elle est là, puis... Si elle peut pas se déplacer, c'est un divan dessus en passant parce que du velcro sur le tissu, ça grippe. Oui, exact. Fait que t'as mis sur ton divan puis elle bougera plus jamais. C'est tellement une bonne idée sur la table devant ton divan. Mm-hmm. Ouais, puis vu que tu mets le crunchy sur ta manette, elle grippe aussi dans le divan. Un autre truc aussi, mais là c'est un peu moins low cost, là, mais c'est des tiles que ça s'appelle. Là. C'est une espèce de petit truc Bluetooth GPS que tu peux coller dessus. OK. Un petit collant, genre. Puis c'est juste une mini antenne Bluetooth. Fait que t'as comme une application sur ton téléphone, tu peux la faire sonner direct de la. OK, c'est comme c'est comme une affaire, là, tu scans avec ton téléphone. Ouais. Mais tu sais, la petite à coller, elle vaut genre 40$. OK. C'est ça. C'est comme la version pas étudiante. C'est comme la version genre dépense ton argent pour du velcro à 1$. Ouais, c'est ça. Comment toi t'as gossé à trouver le bout de ton tape? Tu sais, les grosses roulettes de tape, là? Oui. Oh mon Dieu, ouais, genre tape transparent. Tu trouves ton doigt, là. Tu trouves ton doigt, tu grattes d'un bord ou de l'autre parce que tu sais pas de quel sens important la roulette est partie. Ça, là, d'après moi, là, je vais vous donner un truc, les gars. Trouvez-vous une fille avec des ongles. Ouais, mais je vais donner un truc plus simple que ça. Va t'acheter un pain, puis garde l'attache à pain. OK. Puis à toutes les fois que tu finis d'utiliser, mets l'attache à pain au bout de ton tape, puis colle le reste. Oh. Fait que tu fais juste tirer cette attache à pain et tout vient avec. C'est pas fou comme c'est idée. Bonne idée. C'était une très bonne idée. Tu ne trouveras jamais rien de moins cher. Parce que t'as besoin du pain pour survivre en passant, cher étudiant. C'est vrai. Donc ton attache à pain devient gratuite parce que c'est une nécessité. Puis si jamais t'es allergique au gluten, l'autre truc, c'est que tu fais juste replier un peu le bout. Parce que tu gaspilles tout le temps un petit peu T'en gaspilles tout le temps un petit peu comme ça. Exact. Il y a plein d'autres trucs super intéressants, mais je m'en viens à mon préféré. OK. Okay. Puis pour vrai, quand j'ai vu ça, là. Je me suis dit, j'ai-tu été con? Combien de fois que t'as un petit bout de savon, là? Mm-hmm. Tu sais, le petit savon, là, de douche de physique Dove, là. Ouais. Qui coupe un peu, là. Oui. Tannant, là. Puis tu sais pas quoi en faire parce qu'il fait juste casser sur toi quand tu te frottes avec. Ben oui. Ce qu'il propose, c'est de mouiller un nouveau gros savon Dove. OK. OK? Prendre le petit bout côté, puis venir le coller dessus à la fin de ta douche. Fait que tu l'utilises pas. Tu prends ton gros savon, tu te laves, ton nouveau savon. Ouais. Tu prends le vieux savon. Tu le mets dessus. Tu le mets dessus. Et durant la nuit, à cause des bulles qui se forment, ça devient un seul savon. Oh! Mais il faut que ça soit la même odeur. Pas là, nécessairement. Sinon, eux, ils proposent justement de faire un mixte. Parce que, tu sais, il y en a qui disaient aussi de faire. Tu peux faire gel, face, visage d'un côté, puis corps de l'autre. Fait que t'as les deux en un. Je trouve ça quand même assez des gens parce que tu payes pour avoir toute ta barre de savon. Fait que là, tu l'utilises au complet. À la pleine capacité. À sa pleine capacité. Il y en a plein d'autres trucs sur ce petit site incroyable pour utiliser plusieurs... pour sauver la vie des étudiants. Et tu sais, il propose un truc qui est assez simple aussi. Il y a deux trucs, je les vois pas en ce moment, même si je descends la page, parce qu'il y en a 95 sur ça. Ouais. Saviez-vous que dans une automobile, mettons, vous prenez un automobile qui existe, que tu connais pas. Okay? Okay. Sur le logo tank à essence, la tank même, tu sais, comme tu vois où ta tank est pleine ou est vide, là. Ouais. Il y a une petite flèche, vous remarquerez ça. Et ça indique de quel côté il la porte pour aller tanker. C'est pas sur tous les modèles, par contre. Ça serait valide sur tous les modèles depuis 2007. Ah, c'est ça. Et voilà. Donc, si t'as un char depuis 2007, désolé. Ça fonctionne pas. Il y avait l'ancien truc, en fait, c'était le côté que le cadran allait. Aussi. Ça, c'était l'ancien truc. Ouais. S'il s'en venait vers... Si ton cadran, mettons, le full était à droite, tu tankais à droite. Si le full était à gauche, tu tankais à gauche. Ah, c'est pas fou non plus. C'est parce que j'ai été pompiste pendant... Dans le temps que t'étais encore une idée dans la tête de tes parents, moi, j'étais pompiste. C'est ça. Et l'autre truc qu'ils proposent pour les automobiles que je trouve super intéressant, et je sais qu'il s'applique surtout dans la région de Montréal, à Québec, j'ai essayé d'en trouver, ça marche pas. On sait jamais des fois de quel côté sont les sorties d'autoroute ou les accès quand les bretelles. Et selon de quel côté est installée l'écriteau de sortie. Donc, si elle est à gauche du panneau, tu arrives de Floride, Si elle est en gauche du panneau, la bretelle sera vers la gauche. Oui. Et si elle est à droite, la bretelle sera vers la droite. C'est vrai. Mais ça ne sera pas indiqué avec une flèche. Ça va être juste du quel côté qu'elle est indiquée de la route. Oui, puis fiez-vous à ça, hein, sinon vous manquez votre bretelle. Juste en haut de celle que tu viens de dire, Xavier, il y avait un truc qui m'intéresse tellement. Ça? Tania, tu vas triper toi avec. OK. Est-ce que c'est comment refroidir ton café quand il est trop chaud le matin? Sans que ça goûte autre chose? C'est comment se faire un café glacé. Mais moi, je vois plein d'autres utilisations avec ça. Dans le fond, c'est que tu prends tu te fais une carafe. Tu t'en fais une bonne. Puis tu la mets dans ton rack à glace. Puis tu mets ça dans ton congélateur. Mais fait que t'as de la glace au café. Mais dans le fond, il y a du monde qui. Je mettrais ça partout. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit je mets du lait dans mon café pour le refroidir. Je vois, mais ça change le goût. Il dit c'est pas grave, il va être plus frais. Mais là. Laisse-le sur le coin du bureau, va refroidir. Ouais, mais tu sais, le gars, il veut pas nécessairement parce que c'est sa dose matinale. Ouais. Tu sais, moi, je suis à l'aise, là. Tu sais, j'étais livreur, tu étais pompiste, peut-être que tu as vécu ça. Mais moi, je me promenais avec ma tasse Potterboss en char, je mangeais ma pizza, puis je clutchais en même temps, là. Ok, ok. Tu sais, genre, le gars, il avait pas de couvert, là. Fait que je suis à l'aise. Mais lui, il veut pas. Il faut que ta tasse n'ait pas de thermos, c'est qu'elle lèche chez eux. Mais là, tu as des copes glacées de café. Fait que ça goûte le café puis ça refroidit ton café. Ah, mais c'est merveilleux, ça. Ça, c'est fou. Il y en a plein. Mais imagine, tu peux te faire un smoothie de café. Ah, ça serait... Je pense que je vais l'essayer un jour. Moi, je capote. Sérieusement. Je pense que je vais l'essayer un jour. Moi, blender, lait, ça. Voilà. Problème réglé. Ça fait. Un café glacé comme au Tim. Ouais, genre. Une espèce de Tim glacé. En fait, probablement qu'il va être meilleur parce que le café glacé au Tim, il est basé sur le café du Tim. Et sur le sucre. j'ai d'autres petits trucs que moi j'ai vécu, que j'ai revu là-dedans, que j'avais pas pensé. Mettons que je vous dis que vous êtes perdu en char, OK? Je vous mets en mise en situation. Où arrêtes-tu, Sébastien Gertin? Tu sais pas où tu vas prendre. Moi, normalement, je regarde sur mon téléphone. Non, mais mettons, t'es perdu, là, genre. Ouais, pis. Donner un exemple, t'es à 5 clotides de Beauce, là, tu sais. T'as pas de 3G, t'es perdu, t'arrêtes où? Ben, normalement, j'arrêterais dans un dépanneur. Ouais, excellent. Dans une station d'essence. Arrêtez ça. Qui est-ce qui est le plus sur les routes au Québec? Les livreurs. T'es dans un quartier, tu cherches un endroit, une rue, arrêtez dans un service de livraison. Ils sont tout le temps sur les rues, ils savent exactement où te diriger. C'est vrai, La fille du dépanneur, là, elle va te donner la carte qui est là, puis elle va te charger 2$, là. Le gars de livreur, il va dire « Ah oui, la rue est Bellevue, là, sur telle rue à gauche, telle rue à droite, puis lui, il commande la pizza le 13 sur les 13, mais... » C'est vrai! Mais oui! Eux autres, ils sont toujours là. Ou si t'as la chance d'intercepter, ben pas d'intercepter, mais de pouvoir interpeller un policier qui est comme en arrêt, qui fait pas grand-chose, tu peux lui demander aussi, on a fait ça en Floride. Oui, tu peux faire ça. Oui. Il nous aurait accompagnés. On a fait un joke, ça c'est si t'es pas black. Ouais. Je parlais tantôt des fameuses pinces à pantalon pour enfants, là, un peu clément. Combien de fois on a laissé des sacs de chips séchés? Oh, mon Dieu, tellement de fois. Ben, ramollir, en fait. Ramollir, oui, mais s'ils ne sèchent pas, ils sont déjà séchés. Mais des sacs, mettons, on va dire plutôt des sacs de jujubes. De jujubes, de tout, là. Mais les autres, ils proposent de casser la pince, littéralement. Et de fermer le sac avec la pince. Tu roules ton sac et tu fermes avec une pince des culottes Clément, des sports de culottes Clément. Donc ton sac ne sèche pas. Ah, c'est tellement une bonne idée. Voilà, l'autre variante aussi, c'est d'utiliser des pinces de. Ben, tu sais, les pinces là, des. des supports à pantalon, là. Ouais, exactement. Mais tu sais, l'autre truc aussi, si t'as pas de support de pantalon que tu veux parce que tu l'utilises déjà pour accrocher tes recettes dans la cuisine, mettons, comme on disait, ben tu sais, une autre manière aussi, c'est de prendre des épingles à linge. Des épingles à linge, c'est ça? C'est. Des épingles à linge. IKEA en font des exprès pour ça aussi, mais tu sais, oui. C'est IKEA. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils te les chargent 12$. Ils sont ultra cheap, ils sont pleins de couleurs flash, mais ils les chargent en super cher. Mais donc, c'était ça, ma petite chronique sur comment se sauver la vie des étudiants. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez des trucs que vous allez utiliser. Hey, j'économise déjà grâce à toi. Oui, ben c'est oui, ça. Mais c'est pas juste pour des étudiants. Là. Tu commences à aller en appartement, là, clairement, tu vas vouloir utiliser certains trucs de ça. Mais tu sais, juste, tu fais de la longue route. Je pensais, il y a un des trucs que je vais passer. Quand tu fais de la longue route, tu l'as fait, Tania, t'avais de Floride. Ouais. Est-ce que tu accumules les gobelets? Ben, pas pour monter. Okay. Parce qu'on l'a fait, tu sais, one shot. Ouais. Puis ça nous a pas pris beaucoup de temps, fait qu'on a pas fait beaucoup d'arrêts. Okay. Puis vu qu'on faisait à certains arrêts pour pouvoir tanker, ben on les jetait automatiquement. Okay. Tu sais, on était responsables. Mais pour venir, par contre, nous on était prises dans la tempête, alors nos arrêts étaient pas mal moins fréquents. Fait que ouais, on a accumulé pas mal beaucoup de gobelets. Mais mettons là, y a un moment où t'as chaud parce que tu roules en char. On est d'accord? Ouais. Enlève tes souliers, OK? Détache tes souliers parce que tu t'es détaché. Mais ça a la forme circulaire à un soulier, tu le rattaches. OK. Tu boucles ton soulier avec ta boucle comme si ton pied était dedans et tu viens mettre un verre. Ah, ça devient comme un autre porte-gobelet supplémentaire, puis il est accessible en tout temps, puis ton soulier ne versera pas parce qu'il y a une stabilité. Faut juste pas tuer des pieds. Ben, tu l'enlèves déjà. Au pire, ça donne la saveur à ton breuvage. C'est ça, exactement. Mais non, mais je te dis pas de mettre le gobelet de McDo que le petit fond est mou, là. OK. Tu peux mettre te mets ta tasse thermos que tu n'utiliseras plus du voyage, qui reste un petit fond que tu ne veux pas qu'il verse. Tu la mets en arrière dans un soulier. Voilà, problème réglé. C'est vrai. C'est pas fou, ça. C'est pas fou. Il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent nous aider. Et si j'en trouve d'autres, je vous en ferai part. Merci beaucoup. Plaisir. Nous, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Vous voulez faire quoi? Est-ce qu'on va écouter une toune? Puis on revient avec vous. Y a-tu un bloc de pub dans ce... Ben oui, il y a un bloc de pub. Il y a un bloc de pub certain. On va aller faire ça, puis écouter une toune. Parfait. OK, à tantôt. C'est fou, 89. qui. Pour toi aujourd'hui, rassemblage requis. Toujours à l'assemblage Reiki, accompagné de Xavier McLeish et Sébastien F. Gertin. Wouhou! J'espère que vous avez du fun, les gars. Je sais pas pourquoi vous étiez en train de rire. Vous avez essayé de me faire comprendre quelque chose et malheureusement, j'ai rien entendu à cause de vos écouteurs. C'est juste parce qu'on se disait que la toune a pogné tellement dans la tête. Celle-là en particulier. J'ai dit tant qu'à ça, pour nous faire encore plus, tu aurais pu mettre Mathieu Plante pour nous le rappeler qu'il est toujours avec nous. J'ai pas passé, mais demain, je le ferai. Parfait. Demain, je suis compris, ça. Mathieu, c'est juste demain qu'on t'entend. C'est ça. Non, en théorie, Mathieu devrait faire une apparition vers les 9h15. Hein? Oh. Mais pas une apparition en studio. Genre, appel? Ouais. Mais il est pas censé être en arrêt de travail? Ouais, mais il passe un coup de fil. Faut pas que tu le dises. OK, j'ai 12 ans, moi, je suis petit peu... Il y a un coude dans le plâtre, là. Ouais, il n'est pas exactement devenu quadriplégique. C'est là. Ça, là. Oh non, j'étais sûr qu'il y avait genre le scorbut. messieurs, c'est qui passe au micro, là? Ouais, on est dans ton micro, mec. Mais qui a la tête d'onde dans c'est ça. Je tenterai d'être bref, question qu'on ait le temps pour faire tout puis tout. Ben, mon Dieu, il n'y a pas de problème. Parce qu'on a beaucoup de fun chronique. C'est ça, j'ai entendu dire qu'on avait même un lutin, là, qui s'en ah oui, c'est vrai. Fait que, en tout cas, va peut-être aimer ça, cette chronique-là, d'ailleurs, parce que j'ai décidé d'être un petit peu plus ludique que ce que je suis, que ce que je fais d'habitude. Je me suis dit, tu sais, en voulant un peu remplacer Mathieu, on va aller dans les sujets de Mathieu. J'ai pensé que t'allais faire des jeux semi. De mots. Ce qui est drôle, c'est que ça va tout fitter ensemble. Ça, c'est quasiment comme si on s'en était parlé, parce que j'ai appelé cette chronique « Chronique d'un gamer cheap ». Et moi, je parlais de cheap il y a genre 10 minutes. C'est ça. Tu sais, des trucs DIY, ben moi, c'est un peu la même affaire. Bon, petit historique, bon, il m'arrive parfois de faire autre chose que de m'insurger contre l'actualité. Ah ouais? Oui, des fois je game dans la vie, imaginez-vous donc. Parce t'as, que donc, des fois t'as du temps à perdre. Exactement. Ben, à maner, tu sais, c'est qu'à maner, il faut laisser passer à la vapeur. T'sais, t'as lu de des mains froides, il y a du monde qui vont faire masser, non, lui, il game. Moi, je tire du gun dans des extraterrestres, moins que ça. Ça, c'est une très bonne idée. Voilà. Une belle façon de passer à autre chose. C'est-tu à l'eau, ce jeu-là? Non, Halo, je suis pas un gros fan, en fait. Okay. C'est dans cet instant où c'est Mass Effect. Je faisais des jokes de Commander Shepard tantôt, là, mais ouais, dans cet instant où c'est Mass Effect. Pas le nouveau, parce que je suis encore avec Xbox 360. Bref, je vais y venir. Il fut un temps où ce que, en fait, en préalable, moi, comme je dis, je suis un gamer très, très casual. Je m'assois devant ça quand que je veux me changer les idées et me défâcher de l'état actuel du monde. Donc, depuis l'élection de Donald Trump, je game plus qu'avant. Donc, ouais, c'est ça, hein? ça aide. ça défoule. Donc, c'est ça. Moi, quand que je m'assois devant un jeu, ma manière de voir ça, comme je dis, moi, je suis un gamer. Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je travaille dans l'électronique présentement. Mm-hmm. J'ai bien des collègues qui sont des PC Master Race, comme on dit. C'est-à-dire qu'eux autres, du vrai gaming, ce sera un ordi à 4000$ plugué sur un écran géant. Donc, en fait, pas un vrai écran géant. Mon salaire à l'année. C'est ça. C'est ça. Moi, comme je dis, je suis un gamer cheap. Je suis pas résolument un gamer de console, mais je suis pas résolument un PC Master Race non plus. Je suis juste cheap. Dans le fond, tu joues à des jeux. Juste moi, faut pas que ça me coûte cher. Moi, je joue à des jeux en solo. Souvent, les jeux que je joue, ça fait 4 ans qu'ils sont sortis. Comme je suis rendu dans Mass Effect 3, il est sorti en 2012, justement. Genre de gars qui vient de commencer Monopoly Tycoon, qui avait des mots de céréales. Exactement. Jouant encore à Heroes of Might and Magic 4 l'année passée. Sam Pyjama Sam. Donc, toi, t'étais pas né quand c'est sorti, ce jeu-là. OK. Pyjama Sam? Non, okay, okay. Heroes of Might and Magic. Je connais c'est, ça. C'est plus cool, c'est plus cool depuis la fin des années 90. Oh, mon Dieu, OK. Fait que c'est ça. Moi, quand je m'assois devant un jeu, c'est pour jouer tout de suite. Faut pas que ça me coûte cher. Ah, c'est pour ça. Être foiré sur mon divan. Je suis d'accord avec toi de ce côté-là, par exemple. Mais les nouvelles consoles, faut que tu télécharges ton jeu pendant comme une heure et demie avant de pouvoir y jouer. Calme-toi, j'y viens. Fait que... On va y venir, mais avant, il fut un temps, on va le rappeler pour les plus jeunes d'entre nous. C'est-à-dire Xavier. Nintendo Le bon vieux NES. Bon, il y avait guerre avec Sega. Moi, j'ai toujours été un gars de Nintendo. J'ai eu un vieux NES, j'ai eu un 64. Moi, le 64, tant qu'à moi, le Nintendo 64, c'est l'archétype de la console. Tellement. Un mâton de plastique que tu plantes un autre mâton de plastique dedans. C'est merveilleux. Tes manettes ont une durée de vie d'à peu près 15 minutes. Exact. C'est magnifique. Moi, ça, c'est ça. Tu fesses dessus ou ta fesse sur le bord de... C'est-tu la place où tu jouais de la flûte traversière dans Gâchette, ça? C'est comme... Puis là, fallait, pour que ça marche, fallait que tu souffles dedans, là. Oui, c'est oui, ça? Oui. Ouais, ben, non, le 64, c'était plus ça. Ça, c'est NES, Super NES. Ouais. Tu sais, le NIN, le Super NIN. C'est lequel qui avait des boutons mauves? Ça, c'est le Super NIN, ça. OK, ouais. Ça, c'est lui. Ouais, moi, j'ai eu son ancêtre aussi. OK. En fait, Super NIN, moi, ça a donné que moi c'était avec mon... C'était tout un collectif avec mon frère. Le Super NIN, on l'a sauté. Nous autres, on a eu le NES, puis après ça, bang, 64. Ah, c'est ça. Mon Dieu, c'est donc bien malade, ces graphiques-là. Fait que c'est ça. Plante le cossin de plastique, mets la TV au 3, le tour est joué, tu t'amuses. Ah, mon Dieu, la TV au 3. Divertissement simple et efficace. Ouais, parce c'est que c'est vrai. Ça. Dans le temps, moi, j'ai eu une TV cathodique jusqu'à l'année passée. Tu fais pas, tu faisais pas TVD ou HDMI ou. Tu changeais. HDMI, ça existait 3. Pas. Non, non, mais c'est genre de poste où ton frère avait la télé de combat, la manette d'en bas, puis il changeait le poste de la télé d'en haut, là. Ouais, c'est ça. C'est genre ouais, genre une affaire comme ça, ouais. Puis genre, tu sais, oh, on a échangé manette. Parce qu'ils étaient tous fucking pareils. Ouais. Ouais. Puis, okay. Tu sais, comme mettons, un jeu multiplayer, c'était que t'as chacun ta manette, mais tu joues chacun de ton tour. C'est genre. Ça. Ça, c'était ça, magnifique. C'est Bubble Gobble. Moi, dans ma tête, à cette époque qui remonte à pas si loin que ça, moi, c'était bien simple dans ma tête. Jouer à l'ordi, c'était. Bon, à base, jouer à l'ordi jusqu'à là, un certain temps, c'était mm-hmm. pas nécessairement mieux. Hey, non, pour ouais. le prix que tu. Pour le prix que tu payais, surtout parce que ta machine te coûtait pas mal plus ben ouais, cher. Quand tu parles de jouer à l'ordi, c'est par d'aller sur y8.com puis choisir un jeu dans la banque qu'il y a là. Non, moi je parle vraiment un jeu là, que t'installes okay, sur l'ordi. Okay, okay. Tu sais, un vrai. Là. Un vrai, puis, pas genre mettons, pas boîte à céréales. Ben mettons Halo sur ordi. Halo 1, mettons, sur ordi versus Halo 1 ou Xbox, tu sais. Mettons, on va dire ça de même. OK. C'est une différence. Puis, bon, ouais, les jeux d'ordi qui étaient dans le temps du Nintendo 64, on s'entend, les graphiques étaient pas nécessairement mieux. Pis, mon Dieu, non. Un Nintendo 64, ça coûtait quoi, 500$? Un ordi pour jouer à ça, ça coûtait 3000$. Ah, c'est ça. Bon. Moi, dans ma tête, ça a tout le temps été console, jeu, ordinateur, travaux d'école. Moi, tout le temps était de même, ça l'est même encore un peu. Tu sais, keep it simple. Là, à un moment donné, par contre, veux pas, comme dans tout, ça augmente. Mm-hmm. Puis il y a eu comme un genre de, on va dire, il y a eu un seuil d'atteint avec certaines générations de consoles qui, moi, je le mets à, d'ailleurs, c'est la génération que je suis resté pogné dedans, la génération du PS3 puis du Xbox 360. C'est comme une autre après ce que je parlais dans le fond là, avec le Nintendo 64 qui avait ouais. le PlayStation. Le premier c'est PlayStation. C'est là que Wii a perdu toute sa crédibilité. Là. Ouais, la Wii, mais ça oui. a été un petit peu. Ouais, c'est ça, la Wii, c'est à peu près en même temps que ça, mais Nintendo ne suivent pas tous les trucs. Mais effectivement, quand. Moi, le dernier Nintendo que personnellement j'ai trippé, là, ça a été. Avec la Switch, là, c'est une autre affaire. Mais la fameuse. Même pas, moi, ça a été le GameCube. Ça, c'était magnifique. Ouais. C'était oui. quatre manettes pluguées dedans tout le temps. Tu sais, ils se transportaient bien. Ouais, tu perdais les CD parce qu'ils n'étaient pas assez gros. Ouais, mais d'un boîte, mais ça, on l'a usé notre GameCube. Mais ça, c'est pas tuable, ça. Ça avait bien beau être des CD, mais c'était encore du bon vieux. Full CD dedans, Pace Power, ouais. ça marche. Ouais, le petit le fameux. Là, tu faisais sur Z, ça faisait... T'avais pas d'installation à faire, hein. c'était simple. La génération d'après, Xbox 360, PS3, ainsi de suite, là, tu commençais à avoir un peu d'installation. Là, il y avait du gossage de... Mm-hmm. Là, il fallait que tu t'achètes une carte réseau à part qui valait 150$ pour ajouter sur ta console à 400$. Ton lecteur de disque pétait. Il faisait fondre tes CD. L'œil laser fondait parce qu'il avait mis en plastique au lieu d'en vitre. Là, moi, comme je l'ai dit, je suis un gars d'Xbox. Même le monde qui a perdu un œil, ils n'ont pas un œil en plastique. Le colique. Qu'est-ce qu'ils ont. Tu sais, ils donnent quelqu'un un œil en plastique. Ils donnent même pas ça à un être humain, un œil en plastique. Ben c'est non, mais ben, pourtant, sur une console, ils mettent ça, puis c'était avec un laser, puis tout. Un laser. T'aurais-tu vu Terminator avec un œil en plastique hey, au lit? Hein? Voyons donc. Non, mais t'aurais-tu vu Martin Deschamps s'il y aurait eu un œil en plastique? Non, c'est pas Martin Deschamps, c'est Martin, l'autre, de Dominique et Martin. Lui, ouais, là, ouais, ouais. Avec un œil en plastique. Ouais, lui, là. Lui, voilà. Ouais, c'est ça. Fait que soit une roche, tu sais, vous cachez le beau. Mais... Non, OK. Fait que moi, dans la suite logique de continuer, bon, j'avais eu un PlayStation 2 aussi pour mes jeux un peu plus adultes, mettons, là. Tu sais, moins multiplayer, tu sais, vraiment les RPG et ces affaires-là. Ouais, puis là, ben, cette génération-là, je checkais les jeux, je te dis, oh, ça va être un Xbox test ce coup-ci. Tu sais, check les catalogues de jeux puis tout. Grossière erreur, on serait ceux qui connaissent un peu ça. Xbox 360, le Red Ring of Death, comme on l'appelle. En gros, Microsoft, il avait décidé de trop booster la machine. Ouais. Mauvais refroidissement. Puis ça, la chaleur, c'est l'ennemi de n'importe quoi qui est le moindrement un ordi. Parce qu'on va se dire, une console, à base, c'est un ordi. Puis quand tu déplaçais la console Xbox, les premiers Xbox 360, si, mettons, je sais pas, ton frère passait, tu jouais à Xbox, il accrochait le meuble de TV, mais ton CD était graffiné, c'était fini. Hein? Ben oui. Tu peux même pas, tu sais, c'était. Donc, moi, ma PS3, chez nous, c'était. Tout le monde connaît les tapes pliantes, comme pour parler. Comme tu peux écrire ses toilettes en même temps, là, que si tu déplaces. Ouais. Mais ma PS3 est là-dessus, puis jamais j'ai graffiné un CD. Mon ami arrive la première journée, il met ça là-dessus, le chien passe, accroche la table, pouf, fini le CD, on venait de scraper Nature 2016. Oh non! Ben, ils ont eu ça, c'était un autre morceau que Microsoft ont été cheap pas mal dessus. Moi, personnellement, je l'ai pas eu ce problème-là, mais j'en connais beaucoup, puis je m'en garde une couple de morceaux de spare pour ça au cas où. Le lecteur optique, je sais pas quelle cochonnerie qu'ils ont mis là-dedans, mais c'était vraiment de la chenoute. Mm. Mais là, c'est ça. Là, ça a été. Moi, je trouve que cette génération-là, ça a été le début de la fin. Pokémon. On parle de génération, puis comment ça a été de la merde, ça. Okay, ouais, ben oui, en fait, mais Pokémon, ça a été une évolution steady. Puis moi, j'ai découvert ça l'année dernière, en fait, Pokémon. J'avais jamais joué à ça l'année dernière. J'ai jamais joué à ça, là, puis c'est pas quelque chose qui manque à ma vie. Mais c'est étonnant. On va se le dire, l'enrobage autour du jeu, il était un peu enfant. Puis, mais. C'est je veux dire, il y a une évolution, c'est le même concept. Je veux dire, mon Xbox, à part, je l'ai acheté parce que moi, c'était Gears of War que je voulais jouer. Il n'y a rien de plus adulte que ça. Non, c'est ça. T'as une chaîne ça après ton gun, puis tes attaques, c'est pas un coup exactement, de cross, c'est chaîne ça le gars en deux. Puis Pokémon, étonnamment, c'est le fun. Tu te montes ta petite équipe, puis là, tu sais, t'es strip. Là, tu dis, ah ouais, je vais chercher un tel à cette place-là qui est rare. C'est vraiment hot. Mais ça a aussi été. Mais le problème, c'est qu'il y avait aussi du côté féminin, il y avait du Pokémon, on va dire le Pokémon rose qu'on appelle, le Pokémon fille. Donc tu peux jouer une fille, donc ça a pogné autant que gars-fille. OK. Puis ça a été intéressant. Voilà. Mais Pokémon rose. Il y a étonnamment de la. Mais c'est parce que, mettons, Jigglypuff est rose, puis c'est très très féminin comme attaque, mais il est fort! Mais il est féminin, il n'y a pas un gars qui fait comme hey, moi je veux un Jigglypuff level 5. Non, non, les filles. Ouais. En même temps, ça dépend. Ça, si tu veux tu sais, tu te promènes avec un Jigglypuff, tu pètes des gueules de Rhyhorn puis de d'autres Pokémon mâles de même. Ouais, c'est ça qui est drôle. C'est drôle. Là. Tu peux montrer à tes amis que tu as 6 Jigglypuff vraiment trop fort. C'est ça. De toute façon, avec Sing, c'est indestructible ces affaires-là des premières générations. Bref! Nous tout de... ça pour dire c'est, moi les Pokémon je les ai joués sur un émulateur sur mon vieux téléphone cellulaire mais c'est ça fait que Red Ring of Death comme je dis ça a été vraiment le début de la fin parce que là ils ont essayé vraiment trop ils ont réussi jusqu'à un certain point ils ont eu des graphiques pour la génération c'était écœurant les graphiques qu'il y avait là-dedans puis tout le problème c'est qu'ils ont coupé où ce qu'il fallait pas sur la solidité de l'affaire. Comme je disais, ça a été le début de la fin. Là, tu commençais à avoir des... Bon, là, il y avait les disques durs. Là, si t'achetais une Xbox basic, t'en avais pas. Fallait que t'achètes des cartes mémoire qui valaient une fortune. Puis là, ça rentrait pas tellement dans ton argent. Puis la plupart des jeux, tu pouvais pas y jouer. C'est parce vrai. Que ça avait de l'installation. Sur cette génération-là, les installations, c'était une couple de gigs. Fait que ça se faisait bien. Là, par contre, est venue ensuite de ça la nouvelle génération qui est encore ce qu'il y a là. PS4, Xbox One. Là, comme je l'ai dit, je travaille dans l'informatique, dans l'électronique. Fait qu'une fois de temps à autre, on a des clients qui arrivent qui « Ouais, j'ai plus de place. J'ai comme 4 jeux d'installer sur mon PlayStation, puis j'ai plus de place. Ah ouais, t'as un disque dur de t'as le 500 gigs, hein? Ouais, c'est vrai, c'est plus gros à cette heure. Hein? » Ah, mon Dieu. Ouais, ben... Mais mon cellulaire n'a pas ça, 16 gigs, genre? Un cellulaire n'a pas comme 16 gigs? La console, elle en a 500 ou 1000. Là. C'est, non, mais tu sais. Mais ça se remplit vite. Là. Ouais, c'est non, ça. Mais tu sais, un cellulaire, ça a 16, puis tu mets 15 photos, puis c'est plein. Hein. Ouais. Voilà. Fait que ben, c'est un peu le même principe, sauf que là, tu peux pas tout mettre en cloud non plus. Tu veux jouer à. Puis là, c'est qu'elle veut pas, c'est des 40-60 gigs d'installation du jeu. Fait que tu veux les. Tu dis que tu veux jouer à ça, il faut que tu te prévois d'avance là, quand tu veux jouer. Fait que c'est rendu que. Jouer console, c'est plus. Plus simple. Fun, ouais. C'est plus simple que. Tu sais, le plug and play, cette époque-là est finie. Moi, j'ai de l'espoir pour la Switch. On va voir. Il va falloir que le catalogue de jeux. La Switch. La c'est nouvelle Nintendo. Console? OK. La nouvelle Nintendo. C'est genre une console dans laquelle ils ont fait aucune pub puis on l'a pas vu. En fait, ils en ont fait puis ça a été vraiment très, très discuté. Ah ouais? J'ai pas vu ça passer. Ben, Nintendo Switch. Cherchez ça, elle est sortie il y a deux semaines. Là. La Nintendo. Les deux, on est en mode recherche. En gros, la Nintendo Switch, là, j'ai l'impression que c'est marqué Nintendo. Une infopub. C'est le premier qui sort. Oui, c'est marqué Nintendo, c'est ça qui sort. Mais ok, oui, j'ai vu la pub. L'idée de ça, c'est que c'est à la fois une console portable, parce que Nintendo, c'est ça qui les a fait vivre dans les dernières années. C'est les consoles portables, les Nintendo DS. Mais, Nintendo Dog, cette console-là. Nintendo Dog est sortie quand, cette console-là? Nintendo Dog, c'est pas une console, c'était un jeu sur le premier DS, je me rappelle. Fait que je pouvais changer le jeu dedans? Ouais. Parce que moi, c'est tout ce que j'avais reçu. Oui, tu pouvais changer le jeu dedans. Tu pouvais racheter des... En fait, c'est qu'il venait préinstaller sur la petite console, puis tu pouvais... OK, mais moi, j'ai juste joué à Nintendo. J'avais juste 5 Labrador. Mais t'aurais pu jouer à Pokémon dessus, si tu veux. J'avais juste 5 Labrador. J'avais pas Pikachu. Moi, j'avais pas cette fonctionnalité-là sur mon DS. Ah, oh, c'est triste. Bon, ben, en tout cas, je suis heureux de te l'apprendre. Mais c'est ça, l'idée de la Switch, c'est que c'est à la fois une console portable et une console maison. Fait que t'as comme une espèce de morceau. Ta TV a 4 pouces, dans le fond. C'est comme le contrat d'acheter une HD. Ben non, en fait, c'est que ce qui arrive, c'est que là, tu vois la partie console portable. Ouais. Toute ta machine est là-dedans. Puis tu peux l'insérer dans une espèce de dock qui appelle. Qui doit valoir 2000$. Genre. Non, c'est inclus avec. Ça vaut. Le prix de sortie, je me rappelle bien, c'était 400$ la console. OK. T'enlèves les genres de manettes de ses côtés, t'es replugues sur une manette plus standard. Fait que t'as ta manette là. Puis le dock est branché après ta TV, puis ça devient une console. Tu joues sur ta TV nice. À la place. OK, ça fait bon, c'est cool. T'as juste encore une seule manette. Mais l'idée, en fait, c'est que t'as ta manette normale. Tu peux avoir la manette Elite qui se défait pas, dans le fond, mais ta manette normale, t'as comme deux sections avec les pitons puis les joysticks dessus. Ça s'enlève. Tu peux garder ça dans tes mains, puis ça donne une espèce d'affaire un peu style... Oui, anciennement. Style Wii, c'est ça, ouais. Avec la Wii avec la remote avec le nunchuck. Puis tu peux repluguer ça d'un côté de la console. Tu sors la console, la partie avec l'écran. Puis là, ben, c'est un peu comme, mettons, tu joues à Zelda, parce que présentement, c'est le seul jeu intéressant qui est sorti dessus. Tu joues à Zelda, ça t'aide. Puis là, ah, faut que j'aille faire une petite crotte. Ouais. Fait que là, ben, tu sors ta console, tu t'en vas t'asseoir à ces toilettes, tu fais ça. Dans l'annonce, c'est le gars va promener son chien, là, mais tu sais, comment tu peux jouer à deux? C'est ça que je. Parce que je vois la manette en ce moment, puis tu sais, je sais pas si tu vois les bouts noirs. Mais c'est fini le temps où on gamait à deux. Mais les gens, ça, ils sont individuels. On est rendu dans le cocooning, là. C'est ça. Cocooning, mais individuel. Comme t'as plus d'eau d'avoir d'amis de filles. Les cercles de fermières, c'est éteint. Mais même là, celle-là, c'est ça l'affaire. Avec déjà le kit qui vient avec. Oui, t'as une pleine manette, mm-hmm. mais il y a plein de jeux qui se jouent avec juste une moitié de manette. Fait que tu peux jouer à deux. En multijoueur. L'autre chose aussi, c'est que la manette est sans fil, elle est reliée Bluetooth ou je ne sais trop de quelle manière. Elle est reliée pour... probablement. C'est ça, elle est reliée sans fil. Tu peux t'amener une autre tu peux acheter plus qu'une manette. Okay. Tu peux avoir, je sais pas combien, quelle quantité de manettes, on comme une cap, quatre. Probablement à 4. mais tu sais, Nintendo, ça a tout le temps été un peu ça aussi. Ils sont restés fidèles à cette idée-là de jouer en split screen et des choses comme ça. Parce que là encore, t'as plus du tout ces autres consoles comme le PS4 ou le Xbox One. Bonne chance de jouer en split screen sans connexion Internet parce qu'à Star, faut que tu te fasses une game en ligne, faut que tu payes parce que là, en plus de ça, t'as les services de jeux en ligne payants. Nintendo aussi? Mais là, Nintendo sont rendus payants, eux autres, avec. Ouais. Ah, mais tu peux jouer en local encore. Il y a juste PlayStation qui n'était pas nécessairement... PlayStation, c'est payant. C'est rendu payant? C'est rendu payant. Moi, je suis pogné avec ma vieille PS2 et qui joue à Crash avec des bonhommes qui sont sur des bords. Oh, mon Dieu. Puis mon Nintendo que je vais pouvoir aller m'acheter une autre disquette, j'imagine. Le PS2, c'est celui qui avait un rond mauve, puis l'autre était gris. C'est lui que le couvercle se lève sur le dessus pour mettre ton CD. Ça dépend lequel, parce que ça c'est la slim, c'est la deuxième version de la PS2. Ah oui, il y avait une grosse noire. Moi, j'avais la grosse. Okay, noir. Ouais, c'est la grosse noire. Ça a l'air d'un ordi. Ça a l'air, tu sais, ça a l'air, d'une noire, là, les vieilles, les nouveaux. Là, genre, les mais bien, le problème de ces noirs-là, c'est qu'il y avait comme des, je sais pas si c'est vraiment des fissures sur le devant. Là. Oui. Puis tu fallait que tu passes le plumeau là-dedans, il ramassait de la marge. Ça, c'est vrai que c'était salissant, mais la mienne, je l'ai encore. Je l'ai acheté en 2001. Puis elle marche encore comme une dame. Tu joues à Sonic à côté, j'imagine? Final Fantasy X. Oh my God. Oh, wow. Mais elle marche encore. Incroyable. C'est le fun, ça. Ouais. Fait que c'est ça. C'était Chronique d'un gamer cheap. Moi, finalement, la conclusion, c'est que tu checkes les PS4, Xbox One, il y a des downloads à n'en plus finir. Faut que tu upgrades ton matériel. Ton disque dur est plein tout le temps. En plus, faut que tu achètes. Quand tu achètes le jeu, tu n'as plus le jeu au complet. Faut que tu rachètes du downloadable content qui te recoûte, tu repayes le jeu 3-4 fois avec ça. Mais je vais donner le truc à tout le monde. Ouais. Arrêtez de jouer à des jeux de guerre. Jouer à NHL ou à NBA. Pourquoi? Mais parce que demain, t'as pas le goût de t'amuser quand tu joues à des jeux. Non, mais parce que. C'est pas obligé de sport. Non, mais c'est parce que je dis ça de même. Si t'as rien besoin de télécharger puis tu vas payer plus, achète-toi NHL. Non, mais si je veux sortir ma rage, là, j'irai pas jouer à NHL. Ben, tu vois, la solution à laquelle j'en viens, c'est rendu là. achète-toi un ordi, gars. Ouais, c'est ça, tu sais. Là, ils vont là, dire, achète-toi un ordi, achète-toi une petite tablette, parce que ça va... Tu sais, non, regarde. C'est rendu le monde où on tourne en rond, là. C'est un cercle vicieux, moi, je pense. Ouais. Moi, ce que je me disais, tu sais, la tablette, c'est un autre... Moi, c'est encore une autre affaire, puis, tu sais, c'est pour les petits jeux de Facebook, ça fait la job, mais tu vas pas... Non, tu games pas là-dessus, là. C'est ça. Oh, mon Dieu. Fait que c'est ça. Je suis d'accord avec toi, Seb. Je suis une gamer cheap aussi, alors. Il y a un drôle de son, c'est ça? Ouais, c'est une bébite dans le tram sonore. C'est un monstre. OK. Et il faut demander à Mathieu pour les thèmes musicaux. Ouais. Fait que... c'est bon. Si on veut avoir le temps de faire autre chose. De tout, mais Lutin n'est pas encore là, fait que c'est pas super. Mais non, mais c'est ça, on va aller en pause. On va aller voir Xavier pour la l'huître. Puis je pense qu'après ça, peut-être que le lutin va être arrivé. Oh, okay. Là là. Tout ça. Tout ça. Après la pause. Tout ça avant 9h. C'est ça, exactement. Dans tout ça. Une minute. Avant 9h. Non, avant 9h30. Ah, non, mais avant ça. Okay, avant 9h30. Avant 9h30. C'est ça. On entend plus ou moins le fond musical tout d'un coup. Quand même assez triste, mais il reste une demi-heure à l'émission. Assemblage requis. Assemblage requis. Au 89.1 FM. 89.1 FM. Avec Tania Baudin, remplacement de Mathieu Plante, Xavier Méclich. Oui. Sébastien Vigartin. Remplacement de Tania Baudin. Oui, c'est ça, remplacement de... On est comme deux personnes qui remplacent Tania. C'est ça. En plus, ça fait des chroniques régulières de nous-mêmes, fait qu'on est comme une triple entité. Exactement. Combien de gars ça prend pour remplacer une Tania? Deux. Merci les gars, c'est fun. Mais enfin, on est une demi parce qu'on fait des chroniques en nous-mêmes. Quand t'es toi-même, je suis Tania. Quand ouais, t'es c'est moi, ça, exactement. C'est ça. C'est pour, okay. C'est pour ça. C'est pour enfin, ça. C'est ça. Ça prend juste un gars, c'est juste qu'il faut que quelqu'un d'autre parle parce que sinon Pardon. C'est plate. Ouais, c'est ça. Ok, je suis d'accord. Voilà. Xavier, c'est le temps de parler un peu d'improvisation. Oui. Parce qu'il y en avait cette semaine. Là. Oui. Ok, ben on parle d'impro. Là, et voilà. Là. C'est l'heure de la luître! Oui, exactement. Hey! On va faire ça rapidement, apparemment? Oui, mais en fait, c'est parce que c'était un match spécial. C'est pas. C'est vrai, c'est un match spécial. Oui, oui. Donc, les X luîtres. Non, mais tous les matchs sont spéciaux à la luître. Oui, parce c'est que. Ça. Ben, balaboum! C'est normal, parce que c'est tous des matchs différents et aucun se ressemble, puisqu'il n'y a pas de texte! Ah, bravo, c'est bravo l'impro! Ça. Et donc, c'est ça, c'était le match transitoire, qu'on peut l'appeler comme ça, entre le dernier match de saison régulière et le premier qui débute les séries éliminatoires la semaine prochaine. Donc, c'était le X-Luître en base avec les X-Men. Mm-hmm. 16 joueurs sur 20 de la Luître ont été divisés en 4 équipes selon des personnages que les coachs avaient. Okay. Donc, il y avait une Mystique qui était une des coachs. On avait Cyclope. On avait Tornade et on avait Magneto. Okay, qui était clairement basé sur les X-Men. Là. Oui, oui. Okay. Et les quatre, chaque coach avait 4 pouvoirs. Okay. Que ce soit d'ajouter 10 votes, faire revirer le vote, de prendre la place de quelqu'un, d'imposer une catégorie, juste comme ça. Et les équipes étaient divisées selon un questionnaire que les joueurs avaient rempli. Aussi simple que ça. Et c'était 3 mini-matchs, donc 2 demi-finales et une finale. Qui déterminait la soirée. Et on a eu droit à plein de revirements de situation, entre autres des coachs qui n'étaient pas dans le bon match, qui sont venus utiliser des pouvoirs pour défavoriser les équipes, les méchants contre les vilains. Et on a eu droit à une finale qui a opposé Mystique à Tornade. Ooh. Et avec plein de revirements de situation, c'est Tornade qui l'a emporté. C'était un super beau match, c'était super ludique comme match. Et on a eu droit à même un avertissement. Oh, comment ça? Ben, de la chasse-galerie même, parce qu'on a eu une impro légèrement nudiste. On va dire nudiste. Oh, pour vrai? Il y a une fille en brassière. Oh, et c'est une coach. En plus? Les coachs sont embarqués sur l'impro, un peu sexuel, de tag team. Donc ça s'est joué sur plusieurs petits concepts drôles, cocasses. Super le fun. Et là, avertissement de la chasse-galerie. Avertissement de la chasse-galerie. On s'est retenu par la suite. Dans le temps que j'allais souvent à lutte, par exemple, il n'y avait pas une soirée qui finissait pas quand on voyait pas un chest de gars, par contre. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça un peu. L'impro a évolué. C'est un chest de filles. Ouais, c'est ça. L'impro a évolué un petit peu avec. avec le temps. Il faut dire que... C'est dans le temps que Guillaume Vermette était là. Et voilà, homme que je ne connais point. Ah, OK, bon, les, je viens encore de trahir mon âge. Je connais Guillaume Vermette, par contre. Mais moi, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, et c'est là, c'est le début cherche, public des demi-finales. Avec le X-Litre, tu peux commencer. À chaque match, il y aura une petite boîte à l'arrière où tu peux voter pour ton joueur coup de cœur. Oh, okay. Et tu peux voter pour qui tu veux. On ne juge pas. On verra même pas c'est qui écrit. On vous connaît de face, mais pas d'écriture, comme on dit. Donc, vous votez pour votre joueur préféré et vous allez terminer le joueur coup de cœur du public. Okay. Ça, c'est vraiment fun pour vous parce que c'est votre façon de vous exprimer puis de dire à un joueur que vous l'avez apprécié durant la saison. C'est une des façons qu'on vous permet de vous exprimer ça, puis les pichets, comment gagner les pichets avec les... Oh mon Dieu, oui, hein, c'est populaire, ça, c'est, ces pichets-là. Oui, c'est populaire et les questions sont toujours assez drôles. Et on commence dès la semaine prochaine, lundi, avec un match couleur chaude, donc orange-rouge. Rouge ayant terminé deuxième au classement général et orange troisième. Par la suite, il y aura l'autre demi-finale bleu-vert. Les verts qui ont terminé premier au classement général et les bleus qui ont terminé quatrième au classement général. Et par la suite, les deux gagnants des demi-finales s'affronteront dans la grande finale qui est le gala Mollusque en lien avec la Luître où vous aurez la chance de découvrir pour qui vous avez voté comme joueur coup de cœur. Ça, c'est le fun. En plus du gala Mollusque à la finale, on va en reparler, mais il y a plusieurs événements qui vont s'en venir. Entre autres, les prix de saison, hein, la bannière de saison régulière qui va ouvrir, ça, comment la saison, les prix, tout ça, annoncer les grands gagnants. Donc, soyez parmi nous. Ça fait un petit peu le tour pour la Luître. On se revoit donc lundi. Et pensez à qui vous avez apprécié durant toute la saison. Pas, maintenant, vous venez voir le match de demi-finale, c'est votre premier match. Vous trouvez ce joueur-là bon, vous avez le droit de voter. Okay. Mais si vous êtes venu voir 30 matchs dans la saison, mettons, sur 30. Puis voter pour le joueur que vous avez trouvé le plus drôle ce match-là, je pense que vous avez pas fait votre bon devoir. Ouais, c'est ça. Voter pour le joueur que vous avez aimé toute la saison. Parce que ça se peut que, tu sais, je sais pas, le joueur que tu as le plus aimé soit malade le soir de la demi-finale. Ouais. Puis là, tu dis, bon, mais il n'y a pas été bon en soir, mais je voterai pas. Non, non, votez pour lui que vous avez apprécié tout au long de la saison. Ah. Voilà, c'est dit. Merci. Ça fait plaisir. Le lutin n'est pas encore arrivé, mais on devrait pouvoir mettre une courte pièce, puis d'après moi, il devrait arriver pendant ce temps-là. Oh. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller écouter Ty Segall avec Thank You, Mr. Key. C'est une nouvelle entrée au palmarès anglophone depuis hier. Et on se retrouve tout de suite après ça. We'll be right back. Thank you, Mr. K-Ty Siegel. J'avais oublié qu'en plein milieu de la toune, il cassait des verres. Hey, on a eu comme tout un moment de panique de « Hey, wow, la toune arrive! » Oh, attends, okay, non, c'est vrai. Non, c'est vrai, il garoche plein d'affaires, ses murs. Ben oui, c'est dans cette toune-là. On se demandait si, en fait, pendant la pause musicale, on allait avoir une entrée. Eh bien oui, il est arrivé notre cher petit lutin. Oui! Je suis là! Alfalfa! Hey, ça faisait longtemps, là, avec toutes les histoires de relâche, de voyage, là, Mathieu. Ouh. Ben oui, t'es allé dans le sud! Ben oui, on voit le temps, hein? Ben oui, c'est ça. Ben oui. Est-ce que tu veux ton intro, Alfalfa? Ben, vas-y donc. OK. J'ai une intro? Oh, oui, c'est ça. Ben oui. Ben oui, t'as un intro, voyons. Pourquoi est-ce que t'aurais pas d'intro? Ben, en fait, t'as une trame sonore, là, okay. Fait que tu peux parler. Je veux parler pareil. C'est ça, exactement. J'arrive avec un nouveau jeu, hein, surprenant, qui s'appelle le Joe connaissant. OK. Et là, ils ont fait une variante qui s'appelle le petit Joe connaissant. Le petit Joe connaissant. Donc, un jeu de connaissances générales. Oh, ça, c'est fun. Monsieur Gertin, vous avez beaucoup de connaissances générales, hein? Bon. Ouais, bon. Vous seriez bon, là. Dans le fond, c'est un jeu qui tourne autour, pour le petit Joe connaissant, autour d'une vingtaine de dollars. C'est un jeu de questions selon la catégorie que vous choisissez. Donc, on peut penser au corps humain, l'espace, le temps, un safari, le monde. Il y a aussi lui pour les enfants, il y en a sur les sports, il y en a sur plein de choses. Là, c'est vraiment des jeux différents. Oui, c'est des jeux différents. Sauf que ce qui est le fun, c'est comme... J'ai déjà présenté ici Timelines, qui était des jeux quand on faisait une carte du temps avec des événements historiques. On pouvait mélanger des jeux Joe connaissant, même concept. Tu achètes le connaissance de sport. Après ça, tu ajoutes Parcours du monde, tu les mets dans la même boîte et tu peux jouer avec les deux ensemble. Oh, ça, c'est le fun. Donc là, tu commences à ajouter des parties, tu peux poser des questions, faut que tu saches toutes tes connaissances. Mais en même temps, je trouve que comparé à Timelines, que les games peuvent être un peu plus de variantes parce que les événements peuvent se changer, peut être plus distancé sur la ligne du temps. Tu joues connaissant, une fois que tu as fait toutes les questions, ça se peut que tu commences à les connaître. Donc, il faut que tu achètes un nouveau jeu pour te renouveler. OK. Et là, ils ont sorti, juste pour vous, le jeu Joe connaissant du Québec. Oh my God! Oh! Là, c'est connais-tu ta Pauline Marois? Non, c'est mais sûr. C'est connais-tu ton Québec? Après ça, ils ont sorti cette année aussi un garçon VS fille, un spécial gars-fille. OK. Donc là, un petit polémique. Ouais, c'est ça. Un petit peu revenir en arrière, mais c'est ça. Donc, voir est-ce que les garçons connaissent bien les filles connaissent-tu bien les garçons? Mais tu peux jouer dans l'équipe que tu veux, même si tu veux jouer gars-fille, tu peux les mélanger, mais c'est un gars-fille. J'ai rappelé ça l'édition Peter McLeod / humoriste du début des années 2000. Là. OK. Ah, j'avoue, ouais. Et le Joe connaissant mixte classique, qui est un peu plus dur à trouver ces temps-ci parce qu'il est quand même en demande. C'est des parties qui peuvent durer, moi, je dirais une vingtaine de minutes. Ça se fait quand même bien en famille. C'est sur le coin d'une table rapidement si vous voulez juste vous instruire et vous distraire. Donc, le Joe connaissant ou le T-Joe connaissant, T-I-J-O-E connaissant. Ah, OK. Voilà, il y a un petit E de plus. Il est disponible en ligne et sûrement en boutique près de chez vous. Et j'ai une bière. Ben oui, je m'en vais dire ça. T'accordes ça avec quoi? On est rendu un petit... Moi, je vois ça, j'arrive de Cuba. Je me suis dit, soit une bière, soit un drink. OK. Comme, j'arrive de Cuba. Moi, je me dis, comme ces temps-ci, là, un Black Velvet. Est-ce que vous savez c'est quoi? Non, j'ai aucune idée c'est quoi. Est-ce que tu connais les... Moi, je connais ça. Donc, en ce moment, avec ce qui s'en vient, comme ça va arriver, les cidres là, de glace et tout ça, là, les fins... commence un peu à sortir là, de l'horizon. On les voit apparaître plus sur nos... Et les bières d'été pour se rafraîchir, noires. Donc, le Black Velvet, c'est assez simple. Ça te prend un verre, une cuillère, un cidre puis une bière noire. Pourquoi une cuillère? Là, ça veut dire pourquoi? Parce que tu insères dans une grandeur d'une pinte une demi-bouteille de cidre dans le fond de ton verre. Jusque-là, ça va? Oui. Par la suite, tu mets ta cuillère anglée dans le verre pour qu'il vienne comme s'accoter sur le cidre. Et tu vides ta bière noire sur la cuillère. Et là, ça fait un double étage bière noire-cidre. Et ça goûte un peu dessert et fruits. Donc, c'est le fun parce que c'est un peu comme un drink, mais ça sauve ton orgueil de gars, mettons. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Mais je sais pas, là. Moi, j'ai pas tant d'orgueil. Ils font ici à Trois-Rivières au trèfle. Ouais, ils sont bien forts là-dessus. Ils ont des snake bites aussi qui est un peu le même principe, mais avec de la bière blonde au lieu de la noire. Hein. OK. Souvent, les snake bites, tu mets un vrai snake bite, tu mets de la confiture de cassis dedans aussi, qui est de la confiture non sucrée. Donc, ce que ça fait, c'est que ça donne un suérette. C'est pour ça qu'il appelle ça un snake bite, là. C'est que c'est bien acide. Là. Et là, vous allez dire, mais là, on prend quoi comme bière noire? Moi, je vous conseille d'y aller avec une bonne vieille Guinness. Parce que c'est celle qui est comme la noire d'origine. Et avec la fameuse Saint-Patrick qui vient de passer, je me dis, quoi de mieux hein, qu'une bonne bière irlandaise pour fêter ça? Hein, un green velvet. Un petit peu de couleur alimentaire pour faire dire tout ça, là, voilà. Si tu veux. Mais non, c'est ça. Et profitez de ce que vous avez, vous, au Québec. Je pense que vous avez des vins incroyables, des cidres incroyables. Et il en sort de plus en plus. Et je considère que pour vrai, on a des bonnes cidreries au Québec. Même si c'est pas... Faites attention, c'est pas une provenance québécoise. Ben hein. Oui, clairement. Mais c'est sûr que c'est excellent. Ben c'est une conception, les cidres qui viennent de Normandie ou quoi comme ça. En fait, les cidres, c'est... C'est pas normand? Je pense que oui. Il faudrait vérifier. Je suis même pas sûr que c'est français, en fait. Moi, j'avais dans la tête que c'était plus celtique, ça, les cidres de pommes. En fait, les cidres, nous, on est un très, très grand exportateur de cidres aussi. Oui, mais on n'est pas l'inventeur. Il y en non, a plusieurs c'est qui sûr. Pensent que mais c'est... On a beaucoup de bonnes sortes québécoises. Par contre, il y a le Mystique, entre autres, qui est cœurant, qui est quasiment plus du vin que du... Ben, qui est comme à cheval entre les deux. En fait, parce qu'il y a des cidres plus proches du vin et des cidres plus proches de la bière, là, en termes de saveur. Mais c'est sûr. En fait, c'est basque. Ah ouais? Ok, on n'était pas dedans pantoute. On est loin, hein? La fermentation de la pomme a été créée par les Basques dans les années moins 5000. Ouais. Eh boy! C'est loin! Ouais. C'est très, la très bière, loin. Ça a été inventé dans ces époques-là aussi. C'est les Égyptiens qui ont commencé ça, en fait. Et puis réinventé dans les années 1800. My God! Donc, c'est, je savais pas. Donc, eux autres, ils ont juste tout mis dans un baril. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, ça a fait ça. Fait que les Basques, donc les cidres, donc ce n'est pas québécois, faites attention. C'est encore moins du Pôle Nord, nous, on ne ouais, veut pas pousser grand-chose, là. Mais c'est ça. Donc, c'est ça pour ma chronique aujourd'hui. Merci, Alfalfa. Merci d'avoir pris le temps de revenir de tes vacances. Ben oui, je me dégrise encore du pina colada. Ah ouais? Oh, ah, OK, oui. vous avez viré pas mal en Cluton. Ben oui, on a viré jusqu'à Cuba. Hey, mon Dieu. Ouais, mais je parle en termes d'alcool. Ah, oh, j'ai pas entendu dire ça. Le Père Noël serait pas content d'entendre ça. Est-ce qu'il était là, le Père Noël? Ben est-ce oui, qu'il c'est était lui avec qui vous? Paye les vacances. Ah, OK, c'est pour ça. Même Mère Noël, elle est venue cette année. Là, c'est comme une grosse année. Elle était. Ah, oui. Mais le plus drôle, c'est voir les reines se baigner, là. Ah, oui. Ah, oh, les autres, ils trippent, là. OK. Comme ils viennent, ils sont longs à sécher, par exemple. Ah, c'est sûr. Avec le poil qu'ils ont. De pas aider. Okay. Alfalfa, est-ce que tu restes avec nous pendant qu'on va aller discuter et terminer l'émission avec Mathieu Plante? Oui, je peux rester un peu. OK. Donc, au téléphone, au bout du téléphone... Mais qui est-ce qui est au bout du téléphone? Présentement, il y a Mathieu Plante. Allô? Je ne suis pas certaine si tout ça avait fonctionné. Oui, ça fonctionne très bien, ça va? Ça va très bien, toi? Oui, absolument. Tout le groupe est encore là. Sébastien est encore là. Oui, wow. Exactement. Tout le monde est encore là. On Xavier encore est là. Xavier est là. Alfalfa est là. Salut, Daniel. Contrairement à lundi, quand on s'est parlé la dernière fois, j'étais dans ma chambre à coucher lundi. Là, je suis dans la cuisine. Tu vois, j'essaie de bouger même si je suis à la maison. Tu vois? OK, c'est ça. Mais là, moi, je voulais savoir, c'est quoi que tu as pogné comme maladie? Ah, j'ai rien pogné, non. J'ai tombé sur de la glace. Tu connais ça, la glace, Alfalfa? Ah, mais vous êtes pas habile là-dessus, vous, les pas, humains? Pas tellement, non. Ah, okay. J'imagine que vous avez, que l'évolution fonctionne très bien. J'imagine que vous avez des crampons après les pieds intégrés au pôle Nord. Ah, on est poilus des pieds, ça arrange pas. Vous êtes poilus des pieds? Ah, moi, j'ai du poil sur mes gros orteils. Ah ouais? Ah, wow. Ah, ouais. Okay. Différent que les hobbits, maintenant. Ah, c'est ça. Ben, c'est sûr à quatre pieds deux, peut-être. Oh, c'est quoi, je rêve encore tellement que wow, c'est une imagination fertile avec ça. Bref, donc c'est ça. Depuis lundi, quand on s'est parlé la dernière fois, je suis retourné à l'hôpital en fait hier. Tu te rappelles quand j'ai attendu ma chronique puis que finalement tu l'as oublié là. Non, yeah. J'ai pas oublié ta chronique. On a manqué de temps, Mathieu. Ah, okay. C'est pas grave, j'ai profité de ça pour aller à l'hôpital pour me faire changer mon plâtre parce qu'il était rendu lousse après il y a qu'une semaine. Fait que là, maintenant qu'il y a un nouveau plâtre, parti pour les deux prochaines semaines. Oh. On sait que j'en reviendrai pas avant minimum, là, d'après moi, pas mal le 4 avril ou peut-être après. Ça donne deux semaines. Ça donne deux semaines à moi puis M. Guertin à remplacer ta nuit à temps partiel. C'est exactement ça. En tout cas, j'espère que vous êtes vraiment gentils de le faire. Tout le monde fait très, très bien ça. Même que j'ai été vraiment impressionné de la quantité de matériel que vous aviez préparé pour aujourd'hui. C'est difficile de prévoir combien de stocks faire pour 2 heures. Hein. Ben, c'est ça. Surtout quand tu n'as pas quelqu'un pour faire des jeux de mots tout le long. Hein. Non, mais c'est, on parlait de ça tantôt, moi et M. Gertin, que quand, si on s'assistait juste moi et lui autour d'une table, on ferait 2 heures de contenu sans publicité et que toi, tu réussissais à faire les trous comme pour amener une publicité. Exactement. Ben justement, ça m'amène à faire des jeux de mots parce que c'est un peu l'idée de ma chronique là, que j'ai appelé un peu comme ça, parce que je ne sais pas trop comment l'appeler, les mots du jour, comme dans les douleurs. Ah, c'est le fun, ça. Tu l'appelles comment, mettons? M-A-U-X, hein, c'était carré, c'est jamais vu. Imagine mots plantes. Imagine mots plantes. Donc, lundi, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'avais parlé de mes deux jeux de mots du jour, c'était tranquilloser. Oui. Hein? Bon. Et Netflix and Pills. Oui, Netflix and Pills, je me souviens. Oui. Donc là, aujourd'hui, j'en ai deux autres. Je commence par reparaisser, comme dans repas, et paresser. OK. Hein, comme dans genre faire des plats congelés, ou comme ce matin, j'ai fait des gaufres avec du beurre de peanuts, c'est écœurant. Mais de faire des affaires les plus simples possibles, donc c'est reparaisser, j'aime ça. Et mon deuxième, c'est ménagérer, comme dans genre gérer à peu près ce qui se passe, mais en te ménageant. C'est-à-dire laisser la vaisselle s'empiler, laisser tout à peu près se faire autour de toi, pas passer à balayeuse, puis éternuer parce qu'il y a beaucoup trop de poussière. Mais c'est comme ça quand t'as un bon endroit. Je pourrais peut-être t'envoyer Mère Noël pour tout régler ça. Elle est bonne sa vaisselle, elle. Ah oui! Ah ben Colin, ça serait pas pire. Ça va coûter cher le taxi, par exemple. Ouais, le Père Noël peut venir la porter en traîneau, peut-être. Ah, peut-être. Ben j'avoue que je pense que le Père Noël est rendu maître du voyage sur longue distance, d'avoir des petits twists. Il utilise toujours l'avantage du décalage horaire. Oui, et les points Air Miles. Oui, exactement, pour que Mère Noël le laisse partir. Ouais. Avant que il nous reste encore quelques minutes, je pense. Oui, vas-y. Je voulais te demander, tant qu'à avoir pris le temps de se parler aujourd'hui, je voulais te parler de ce qui s'est passé, de ton retour de la Floride. Est-ce que ça a bien été? Ça a bien été. C'est drôle parce que ça nous a pris 19h30 se rendre en voiture en Floride. Puis ça nous a pris 36h30 revenir en voiture de la Floride. C'est plus que le double. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il s'est passé la tempête de l'est des États-Unis. C'est pas mal ça qui s'est passé, en fait, parce qu'aux États-Unis, on a commencé par avoir de la pluie quand on est sorti de la Floride. Donc, on est vraiment resté dans une tempête tout le long qu'on était sur l'autoroute. Que ce soit de la pluie, du verglas, de la slotch, écoute, il n'y a rien qu'on n'a pas vu. Puis, malheureusement, il y a certains États qui sont pas super bien équipés pour pouvoir déneiger des autoroutes ou des routes. C'est-à-dire aucun État. C'est ça, exactement. Je me rappelle à la Boston, puis que pour 3 cm, ils proposaient de mettre des chaînes sur les roues d'auto. Ben, wow! Y a une chose, par exemple, pour laquelle on était contente, c'est qu'on avait quand même les pneus d'hiver sur la voiture qu'on avait, malgré le fait qu'on avait décidé de partir pour la Floride. Fait que c'est les voitures de ton ami? Oui, exactement. Fait que pour ça, on était vraiment très contentes parce qu'on était les seuls qui pouvaient conduire de façon raisonnable. Mais ça nous a pris autant de temps parce qu'on pouvait pas rouler plus que 70 km/h. Sinon, c'était sûr et certain qu'on se ramassait dans le champ tellement il y avait de la neige. Et les autres deviennent un danger plus que toi-même. Là. Oh ouais, c'était comme même pas le fun. On a vu des gens abandonner leur voiture sur l'autoroute, ces 4 flashs, puis comme partir. Là. Il va travailler, puis il revient à 4 heures. Mais en fait, il y avait tellement d'accumulation de neige par endroit dans certains états que les truck stops ou tout ce qui est sortie d'autoroute, c'était fermé. Tu pouvais juste pas sortir parce que les gens restaient pris dans ces sorties-là. Donc, tu avais des policiers qui faisaient, en fait, le blocage de certaines sorties d'autoroute. On est arrivé à certaines villes aussi où tu avais des pancartes, puis c'était marqué « ville fermée ». Fait que tu te disais « OK, il faut juste pas que je manque de gaz, finalement, parce que sinon, je suis dans le chenoute. » Dans les circonstances comme ça, je pense que les payages, vu que tu peux pas sortir de l'autoroute, ils sont gratuits. Non, malheureusement, c'est totalement faux. C'est vrai, United States. Fait que même s'ils te forcent à rester sur l'autoroute, faut que tu payes ton voyage. Ouais, exactement. Ils sont-tu rendus crédit ou faut encore tu payes content? Faut encore tu payes content. Puis, c'est une vraie question, en fait. Ouais, c'est ça. Puis c'est assez fâchant parce que quand tu arrives au péage, il déneige pas. Fait que tu arrives au péage puis tu restes pris. T'es comme tu spins, là. Fait que ton ami Traction Aid était-tu avec toi? Non, Traction Aid était... Est-ce que vous aviez des Traction Aid dans l'auto? Non, mais ça a bien été parce que justement, on avait des pneus d'hiver, nous. Fait que, tu sais, la grippe a quand même bien fonctionné pour qu'on puisse repartir. Tu as pris le rhume, c'est ça que tu viens de dire, que tu as pris la grippe? Oui, c'est ça. On a attrapé. Là. À force de pousser l'auto, j'imagine. Ouais, c'est. Ben, on n'a pas eu besoin de pousser de ce côté-là. C'était quand même le fun, là. Mais c'est de voir les autres, par exemple, au péage, c'est un peu moins plaisant dans ce temps-là. C'est un an que tu vas pouvoir rentrer. C'est ça. Moi, je suis jamais autant fier d'être Québécois quand je vois ce que ça a l'air des tempêtes de neige ailleurs dans le monde. Ben, en fait, quand on est arrivé aux douanes canadiennes, en revenant des États-Unis, premièrement, le douanier nous a traités de folles. Attends, là, dans quelles circonstances mais ça, c'est parce que ça peut partir d'un bord ou de l'autre. C'est avec ça. Quelle connotation qu'il disait? Bien, en fait, il était comme rendu 10h30 le soir, puis c'était vraiment pas beau là, comme température. Là. On a pleuré en arrivant aux douanes parce qu'on passait jamais se rendre au Canada. Puis... Est-ce que si t'as pleuré devant le douanier, ça oui. se peut qu'il t'ait dit que t'es folle? Non, en fait, il nous a dit, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes les premières qu'on voit en 5 heures? Wow! Là, on a fait pardon. Puis il a fait, ouais, ça vous tentait pas d'arrêter? Vous êtes un peu folle, hein? Puis là, est-ce qu'on a plus de temps encore pour vous enquêter puis voir si les cadavres? Non, il a vraiment été smart, le gars. Je pense qu'il a compris que ça faisait 36 heures qu'on roulait puis qu'on voulait juste arriver. OK, parce nous. Que c'était 36 heures, vous rendre aux lignes, là. Ouais. OK, parce que là, vous avez encore un autre. On a J'imagine eu 45 pour... minutes okay. Pour se rendre à Châteauguay chez mon ami. Rendu à Châteauguay, on a arrêté là, on était vidé, on était morte. Puis par la suite, le lendemain matin, moi, je suis revenue ici. Par contre, les routes étaient aussi mauvaises que la veille au Québec. C'est mon pire. C'est ça, il y avait des accumulations, il y avait encore des sorties de route, puis tout ça. Donc, ça m'a pris 2h30 revenir à Trois-Rivières. Okay. Ouais, c'était pas. C'est la raison pour laquelle t'as pas fait ton émission la semaine passée aussi. Exactement, c'est pour ça. En fait, c'est parce que si j'avais fait mon émission la semaine dernière, on m'aurait probablement pas entendu. Il y avait rien qui fonctionnait dans mon cerveau. Il y avait juste pas. Il y avait rien. Là, y avait, la switch Voici était 0 à 1. Tania, la semaine passée. On s'entend en partant un road trip comme ça, dans des conditions idéales, veux pas, le lendemain, t'es un petit peu shit-face. Ouais, c'est on ça. On va se le dire. Puis on s'entend qu'on avait décidé de. On a décidé d'arrêter à un certain moment pour dormir, pour que la température se calme, parce qu'il mouillait. Il mouillait vraiment beaucoup, fait qu'on faisait de l'aquaplanage comme à côté. Puis j'ai dit à mon ami, on va s'arrêter, on va dormir un bon 2 heures, puis après ça, tu sais, je veux pas croire, là, la pluie va avoir arrêté. Mais en se levant, dans un état où, en temps habituel, il y a juste genre jamais de neige. Le char était plein de neige. Puis là, on a fait le bon. Ben, c'est ça. Ben on a dormi 2h30 puis on repart. Là. Ben vous avez peut-être bien fait pareil parce que, comme tel, des pneus d'hiver, ils deviennent efficaces à 0 degré. Au-dessus de ça, ils sont moins efficaces que des pneus d'été, en fait. Exact. C'est pas plus de crampons, mieux c'est des crampons pas adaptés. Tu n'avais pas de connaissance générale ou presque tantôt? Là, tu viens de prouver complètement le contraire. Ben là, on parle de tôt, là, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. OK, c'est bon. Mais ce qui était drôle aussi, c'est qu'il faisait pas froid. Il faisait juste tellement neiger. T'sais, il faisait 5, il faisait 7. Neiger. Mais il neigeait, mais t'sais, il faisait 7. OK. Aux États-Unis. Fait que là, tu fais comme, OK, il y a vraiment un clash de température. Mais ou toi, de... Mathieu, tu peux-tu sortir aux États-Unis? T'as-tu les... Aux États-Unis, je sais pas. Mais de chez nous, je suis sorti une fois pour aller faire changer mon plat hier. Puis je pense une autre fois... Mais en une semaine et demie, je pense que je suis sorti voir ça. C'est pas mal deux fois. Mais ça fait dur mon affaire. En plus, je peux même pas sortir faire de bénévolat, rien. Je peux même pas aller faire à l'animation de l'impro. On m'a dit qu'il fallait tout que je déclare si je le faisais. Fait que je fais rien. Mais je me suis renseigné, puis on a le droit de parler au téléphone, apparemment. Exactement. C'est comme si on prenait des nouvelles de toi. Ben oui. C'est ça, on jase. Hein. C'est ça, exactement. En fait, on jase littéralement avec toi, mais... Moi, ma question est la suivante. J'ai comme peur. Non, mais la question... Quand que tu te grattes, là, t'es-tu plus un gars, pour avoir revu du monde se gratter, règle, avec une règle, ou t'es plus un gars crayon? Ben, sais-tu quoi? J'ai trouvé, pour vrai, là, j'ai reçu une feuille quand on m'a fait le plat qui me disait de ne pas me gratter parce qu'il y avait des risques d'inflammation. Fait que moi, j'ai pris ça comme de quoi que je peux pas me gratter quelque chose qui pique. Fait que j'ai pris un bâton de Swiffer. Tu sais, les Swiffer, là? C'est un petit bâton mou, là, jaune. Ouais. Bon, fait que ça, c'est tout doux, là. Fait que je me suis gratté avec ça. Sauf que, là, ça a effectivement pas fait d'infection. Sauf que ça a tout tapé la ouate vers mon coude. Fait que c'était entre autres pour ça que ça me piquait. Je pense que j'avais beaucoup de ouate accumulée à mon coude. Fait que le gars hier qui m'a refait mon plat, il m'a un petit peu chicané. OK. Parce que mon ami qui avait pris une règle, lui, il s'était littéralement épi parce que, tu sais, le poil prend un peu dans le plat. Puis en poussant, avec la règle, quand il a enlevé son plâtre, il y avait une ligne, genre l'argent d'une règle, pas de plus de poils. Juste, donc il était obligé de s'épiler le bras parce que c'était vraiment affreux. Ah, Mon Dieu. Ouais, mais... hey, c'est quand même ouais, drôle de recevoir un appel téléphonique pendant que tu es en onde à la radio puis de pas avoir le choix de répondre. Mais Mathieu, il est déjà 9h30. Oh, wow! Ouais. Fait que je veux pas couper ce cours, mais tu sais comment ça fonctionne. Programmation chargée à Cifou. fait que... Bon, ça part demain. Ben oui, exactement. Puis demain, pour tes propres oreilles, puisque tu vas être à l'écoute, j'en doute pas du tout. Bien, ça va être Alex Marchand qui va faire la co-animation de l'émission avec moi au grand complet. Cool. Donc, nice. Je sais que t'as hâte, je sais que t'es excité de tout ça, mais aujourd'hui, exactement, un petit peu plus tard, aujourd'hui, tu peux écouter Compte à rebours si t'as rien à faire. Carrément. Tu peux... Ben oui, exactement. Et le Mathieu Plancho était pas aujourd'hui? il fait pas, là. Non, mais moi, j'aimerais ça que tu peux appeler pour faire ton Mathieu. Ah, ben oui, l'animé. Exact. Il va aussi avoir en piste avec Tania Baudin à 14h, si jamais ça t'intéresse. C'est la première fois. Puis oui, c'est ça, c'est le retour, en fait, d'en piste avec Tania Baudin. Donc, si jamais t'as rien à faire aujourd'hui, puis tu te dis que t'aimerais avoir une connaissance générale de l'automobile un petit peu plus développée, bien, t'écouteras mon émission. Je serai là. OK, c'est bon. Puis il y a Audiomatique aussi, Lob Trotter, Radiosonic, tout ça dans la journée, fait que tu vas pouvoir être un homme heureux, Mathieu. Wow, tout ça en grattant avec un Swiffer. Tout ça en grattant avec un Swiffer, non, exactement. C'est ça. Puis, ben, je pense que je vais te garder avec nous les 3 secondes qui restent parce que c'est déjà la fin de l'émission. Donc, Xavier Mekliche, merci. Oui. Sébastien F. Gertin, merci beaucoup d'être resté avec moi tout le long de l'émission. Les gars, c'est vraiment gentil. Mathieu Plante aussi, merci de nous avoir appelés. Merci, c'est cool que le thème de fin d'émission va jouer dans une canne de thon comme les appels téléphoniques. Pareil, nous on se dit à demain matin et surtout, bon café! Bye! Bye!